Donc bonjour à toutes et à tous, on va commencer debout éducation populaire cet après-midi. Donc on fait aujourd'hui notre atelier hebdomadaire, on est déjà à la 16e séance je crois, et aujourd'hui à la 17e pardon, séance, et aujourd'hui on va donc traiter de l'environnement. Alors le but de cet atelier, c'est de définir de façon quand même assez précise dans quelle société est-ce qu'on veut vivre. Donc jusque-là on a déjà traité pas mal de thèmes, et il nous en reste encore quelques-uns. Et une fois qu'on aura défini précisément dans quel monde on veut vivre, on fera une seconde partie pour savoir comment y arriver. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus pour participer, au contraire, plus on sera nombreux, nombreuses, et plus il y aura des idées qui vont émerger, qui vont se croiser et qui vont nous permettre justement d'imaginer une société de façon complète. Donc aujourd'hui, on va discuter sur la première séance sur l'environnement. Donc n'hésitez pas à venir apporter justement vos idées. Comme c'est la première séance, on va commencer par un déblayage sur ce qui avait été dit, un petit peu autour de ce thème, et puis ensuite on va commencer à trouver des idées plus précises. Voilà, donc je passe la parole à Jérôme. Donc aujourd'hui, on va parler d'environnement. Dans quel environnement on veut vivre ? Dans quel environnement on a envie de vivre ? Qu'est-ce qui nous fait envie ? Je suis sûr que beaucoup de monde ont des super idées à nous partager, à partager tout simplement. Donc, je vais commencer par ce qui avait été dit. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a été noté. C'était lors des deux premiers ateliers. Donc, au niveau de l'environnement, on nous a dit réduction de la consommation inutile, changement dans les modes de consommation basés sur la viabilité et la pérennité des objets, finitude des ressources et dégâts irrémédiables causés à l'environnement. Agriculture, circuits courts et production locale. Arrêter les grands projets inutiles. Et le gaspillage, la récupération, il nous faut une éducation alimentaire. Voilà. Donc c'est les seules choses qui ont été dites. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Donc n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Vas-y. Alors j'ai relevé les mots déblayage et environnement, donc là je rentre juste dans le déblayage, donc le vocabulaire, vous avez lancé, moi j'étais pas dans l'ordre, je précise pour la foule qui nous écoute que j'étais pas dans l'organisation de ce moment de partage de parole, mais oui mais je crie un peu pour attirer l'attention, je fais Gérard Fouché un quart de seconde Bruno. Donc le mot environnement, si on était dans la réunion j'aurais dit ah bon d'accord pourquoi, on aurait passé une heure dessus. Et elle aurait été utile cette heure parce que c'est un mot presque dangereux. Pour moi, environnement, ça veut dire on s'en extrait. C'est une erreur qu'on fait depuis les années 70, disons dans le grand public, qui voit l'écologie de loin ou les journalistes qui voient l'écologie d'assez loin. Quand on dit environnement, on s'en extrait. Ça veut dire qu'on parle d'une nature dont on ne fait pas partie. C'est ce dont vous ont parlé plein d'intervenants géniaux là que vous avez eu. Et donc voilà pour ma part de déblayage. Ouais, je suis d'accord, mais n'empêche qu'on vit dedans, donc on peut quand même choisir comment il est, je pense, un minimum. Est-ce que quelqu'un veut continuer ? Donc je rappelle que on enregistre sur une clé, après on diffuse l'enregistrement sur Mixcloud, et on prend des notes aussi. On prend des notes, on met tout sur notre site internet. Et puis vous pouvez mettre des commentaires, rajouter ce que vous voulez pour participer au projet bien évidemment. Donc là aujourd'hui je rappelle pour les gens qui passent qu'on parle d'environnement, dans quel environnement on veut vivre et dans notre société idéale, comment on voit les choses. Juste pour réagir à ce qu'a dit Camille, mais t'as raison, en fait, il y a pas mal d'intervenants qui ont déjà fait des remarques dans ce sens-là, en fait. Et ouais, effectivement, on n'avait pas forcément pensé à ça en le faisant, mais oui, ça n'empêche pas de réfléchir quand même, en fait. Après, oui, t'as raison, c'est le vocabulaire, mais ça ne nous empêche pas, comme il a dit, de réfléchir à ce qu'on en fait quand même, même si on en fait partie, en fait. Hein. Du coup, on veut quand même bien en faire quelque chose. Donc voilà, c'est juste ça. Après. Il y a plein de points, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai entendu éducation alimentaire, juste comme ça me parle pas mal, mais voilà, je ne sais pas par où commencer, ouais, il y a plein d'idées. Ouais, bah, tu peux parler de la maison de tes rêves, par exemple. Dans quelle maison tu voudras vivre plus tard ? Pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Camille, je me demandais quel autre mot on pouvait utiliser. Et peut-être que du coup, ça pourrait être plusieurs mots. Et ça nous aidera aussi à prendre une direction. Alors, je sais pas, par exemple, terre, alimentation, plutôt que de dire en effet environnement, qui en soi est un mot un peu vaste et vide. Mais voilà, alors je sais pas, moi je propose terre déjà, planète terre, donc là on va dire c'est le sol quoi, c'est le côté dur, donc peut-être aussi on comprend dedans toutes les ressources rares, pétrole, toutes ces choses là, ça peut rentrer dans terre. Après on pourrait dire donc ce qui pousse, les plantes, les fruits, les légumes. Après on pourrait dire les êtres vivants, ça comprendrait du coup les animaux. Donc là, il y a une grosse partie aussi de l'agriculture. Après, continuez ma liste, si vous voulez. Le vivant, les animaux, tu les mets pas dedans ? Ah si ! Ouais, mais le vivant, il y a aussi les hommes, du coup. Ouais, mais du coup, ça nous fait pas spécifier sur quoi on... Enfin, je sais pas. Attends, bah, je te donne le micro, parce que... Et attention, parce que vivant, là, il va y avoir un débat. Hein. Qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant ? On pourra faire le débat sur ce qui est vivant et pas vivant, alors vraiment c'est intéressant. Là, de la liste que tu disais, en partant de la planète Terre, ça nous amène à la vie sur Terre, donc notre histoire, là, ce qui nous concerne au premier chef. Chef, c'est des histoires qui concernent juste beaucoup Nuit Debout et le mouvement citoyen qui est en route. Est-ce qu'on veut des chefs ou pas ? Est-ce que c'est un rapport avec ce que vous avez appelé environnement ? Oui, parce que pour moi, on est un peu comme les neurones de la planète Gaïa. Nous tous, les gens, et pas que les gens, tout ce qui est vivant, et dans le vivant, peut-être même les pierres, j'en sais rien. Mais moi, je dirais simplement la nature. La relation entre l'homme et la nature, refaire la paix entre l'homme et la nature, en gros, c'est ça votre conversation. Hein ? Comment on fait en choisissant la société, puisqu'il s'agit de choisir une société, Adèle, tu l'as rappelé, comment on fait dans la nouvelle société, pour que l'homme et la nature s'entendent à nouveau, à peu près, plus qu'à peu près, harmonieusement, sinon on est là pour rien. Et du coup, la première étape, c'est pas de choisir une société, c'est d'amener les gens à participer, à dire ce que c'est, selon eux, l'environnement idéal. Comment ils voient les choses ? Bruno ? Ben, quand on nous parle d'environnement actuellement, c'est surtout lié à la pollution. C'est lié au problème de disparition des espèces, à la dégradation de la biosphère. Donc, tu cherchais un terme tout à l'heure pour décrire autre chose que l'environnement. On peut appeler la biosphère. Certains ont le terme plus radical de gaïasphère qu'on pourrait utiliser aussi. C'est-à-dire toute la zone vivante qui est présente sur la planète. Et bah, pourquoi prétendre qu'on en est exclu ? C'est une façon de nier le fait que l'être humain est un animal. C'est lié le fait que l'être humain appartient à ce monde vivant. Et donc c'est plus un point de vue idéologique qui prétend que l'homme est supérieur à tout le reste. Oui. Et donc, si on voudrait, dans un monde idéal, changer les choses, c'est replacer l'homme au cœur de cet environnement, de cette biosphère ou de cette gaïasphère, comme vous voulez, tu m'as coupé, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, bon, voilà, j'ai retrouvé, je reviendrai plus tard. Moi, par rapport à l'environnement, j'ai juste un petit mot à dire. C'est comme on a pu le voir là pendant quelques jours cette semaine, le pic de pollution, où 97% de pollution dans l'air, ce qui fait quand même très très mal pour beaucoup de personnes, dont personnes âgées ou personnes asthmatiques, dont moi-même j'en ai eu les preuves. Ce qu'on pourrait changer, c'est que tout simplement que les gens qui préfèrent payer des amendes à 22 euros et de laisser pourrir une planète complète avec leur carburant de merde, en sachant qu'il y a un pic de pollution très moins élevé, tout simplement interdire et faire comme aux Pays-Bas, il se passe une ville sans voiture, ou bien sûr une ville à la voiture électrique. Et là, on pourrait un petit peu, je pense, être plus tranquille au niveau de la pollution et au niveau tout simplement de la nature. Après, sur les voitures électriques, si on avait tous des voitures électriques, je sais pas si la pollution, elle serait mieux, mais... Bonjour, il faut savoir qu'au niveau Air Paris, qui appartient à la maire de Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, ils ont baissé les taux de Air Paris, je ne sais pas de combien, mais ils ont baissé les taux, c'est pour ça qu'on a eu les fameux pics de pollution, en état de pollution depuis des années de toute façon, mais ils ont baissé il n'y a pas très longtemps les taux. Donc ce qui explique maintenant, c'est la suite logique du fait qu'elle voudrait un Paris propre, que les rives, la route au bord de la Seine ont été coupées, les quais de Seine ont été coupés, là c'est la suite logique, mais Air Paris, bon, ils ont baissé les taux, ceci dit on est empoisonné depuis longtemps. Les taux de quoi tu dis? Les taux, tu sais, c'est t'as du plomb, t'as de la dioxine, tu as enfin toutes les saletés qu'on respire, les particules fines du diesel et de l'essence, surtout du diesel. D'ailleurs, ils devraient interdire les voitures au diesel, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont tellement tout fait pour que les gens puissent avoir des voitures au diesel que voilà, voilà. Bon, voilà, c'est entre guillemets. Voilà, c'est ce que... Merci pour la précision, en tout cas pour Air Paris. Donc pour les gens qui passent, pour les gens qui viennent d'arriver, on est sur l'atelier « Quelle société veut-on ?» de Debout Éducation Populaire. Et aujourd'hui, on parle de l'environnement. Donc déjà, on peut redéfinir ce que c'est que notre environnement et dans quel environnement on veut vivre. Voilà. Donc venez participer, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous avez envie de dire. Et voilà quoi. Ne soyez pas timide, vous pouvez avancer vers nous. Ne vous inquiétez pas. J'ai essayé de reprendre le fil de la... Parce que Seb a parlé de la pollution que ça nous concerne là en ce moment même à l'heure où on respire. Et tu nous donnais des infos politiques. Et il y a la question donc de la mesure de la pollution atmosphérique notamment, de l'air qu'on respire. Moi, pour être très concret sur la place de la République, je rêve depuis le 31 mars, enfin plutôt depuis quelques jours après, puisque j'avais pas compris tout de suite ce qui se passait. Je rêve que sur le toit du Fluctuat Necmergitur, on installe une petite plateforme où on fasse ce qu'on veut, et que pour l'instant, on se contente de poser la question et d'en débattre et de créer du lien. Même à mon idée première, c'était d'y installer un laboratoire citoyen indépendant avec les associations qui travaillent déjà dans ce domaine-là, de mesures, de contrôle de la qualité de l'air, enfin contrôle de la qualité, je sais pas si c'est le mot, mesure de la pollution atmosphérique en indépendant citoyen, comme fait la CRIRAN pour le nucléaire, et comme font d'autres associations déjà qui pourraient s'investir dans cet espace-là, et on les laisserait faire parce qu'elles sont déjà fortes. Proposition. Voilà une proposition concrète, merci beaucoup. Donc est-ce que quelqu'un veut participer? J'ai oublié ce que je veux dire. Non. Oui, parce que tout à l'heure Camille a dit faut remettre l'homme au centre de l'environnement, et je pense que justement faudrait remettre l'homme pas au centre, parce qu'il est un petit peu trop au centre, le mettre à sa juste place, c'est-à-dire un pion parmi d'autres dans tout le système terrestre et même solaire, et allons jusqu'à l'univers si on veut. Et donc du coup repenser un petit peu, essayer en fait au maximum d'aller vers l'effacement de l'empreinte de l'homme. Donc là c'est une idée très large que je dis, et donc il faudrait des propositions très concrètes dans la société idéale pour le faire. Et je pense déjà par exemple pour tout ce qui est rivière, parce que du coup tout à l'heure j'ai parlé de la terre, mais en fait on vient de dire l'air, mais il y a aussi l'eau, enfin voilà tous ces éléments-là. Donc il y a tous les sous-sols qu'il faudrait essayer de laisser se construire, se reconstruire même j'ai envie de dire, tout seul, sans essayer de nouvelles techniques pour améliorer ce qu'on a détruit avant, donc rajouter de la technique pour limiter notre empreinte, mais qui en fait ne fera que empirer les choses. De la même façon pour l'air au niveau de la pollution, on se dit oui, mais du coup on va recréer des trucs qui va limiter la pollution, mais on sait pas quel impact ce qu'on va recréer va produire derrière. Donc moi je suis plutôt pour faire un peu confiance. Ah, ah, on se fait arracher nos affiches. Faire un peu, faire un peu confiance. Faire un peu confiance à justement le fonctionnement, non pas de l'humain, mais de l'environnement lui-même, pour se reconstruire en essayant de le retirer au maximum tous les déchets qu'on a pu produire, en produire le moins possible, et essayer de voir comment, comment la nature fonctionne déjà elle-même, non pas pour la reproduire chimiquement, mais plutôt pour la respecter et essayer au maximum qu'elle reprenne sa place. C'est pas extrêmement concret, j'en ai bien conscience. Alors, pour te répondre directement, en fait, si, c'est très concret. Il existe déjà tout un tas de solutions non technologiques. La science nous a prouvé que la nature disposait d'elle-même de solutions pour dépolluer l'air, pour dépolluer l'eau, pour dépolluer les sols, parfois même de manière assez spectaculaire. Et c'est ce qu'on appelle la phytorémédiation. Et l'idée, c'est que, comme tu viens de dire, c'est de réapprendre à laisser faire la nature, à redécouvrir que un biotope, c'est tout un équilibre entre différents éléments du vivant, qu'ils soient animal, végétal, proctide ou autre, et le que plutôt que chercher toujours une solution plus technologique, quitte à arriver à de l'air en bouteille, on peut utiliser les plantes, on peut utiliser les bactéries, on peut utiliser les champignons. Ouais, merci. Oui, mais alors je rebondis juste sur le fait que laisser faire la nature, le problème c'est qu'il y a des zones où en fait la nature a été complètement détruite, enfin des zones mortes, considérées comme mortes, que ce soit dans le milieu marin, voire aussi le milieu terrestre, où il y a des zones qui sont qui n'ont pas la capacité de reprendre toute seule en fait. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps un documentaire de Wim Wenders sur Sebastião Salgado, qui s'appelle Le sel de la terre, qui est très très beau. Et effectivement, Sebastião Salgado, il vit au Brésil. Enfin, ses parents avaient une ferme au Brésil qui était complètement, qui est devenue une zone complètement aride, alors que c'était une forêt à la base. Et qu'en fait, ça c'est devenu de plus en plus aride, donc il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus d'eau, etc. Et ils ont replanté 2 millions d'arbres et ils ont redonné vie à la terre là-bas. Ils ont vraiment, du coup, l'eau, enfin, en plantant ces 2 millions d'arbres, les animaux sont revenus, l'eau est revenue. Donc là, c'est une intervention de l'homme pour. Mais il y a des zones où la nature, elle pourra pas, elle peut. Enfin, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi, il y a des endroits où il faut agir pour redonner vie à la terre, quoi. Et la permaculture, notamment avec Pierre Rabhi en Afrique, etc. Il y a plein d'expériences. Agricoles qui fonctionnent pour pouvoir justement redonner vie à la terre. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, quand l'homme dit cet endroit de la terre est mort, c'est sa vision des choses, c'est parce que ça lui correspond plus à lui, en fait. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vivent quand même, qu'on voit pas forcément, qui nous intéressent pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que la nature, elle se refera toute seule, hein. Tu lui laisses le temps, elle se refera toute seule. Hein. Mais c'est que nous, on en a besoin, en fait. C'est ça. Faut qu'on puisse l'utiliser pour nous. T'as perçu mon geste, on est trois à se disputer la parole, pas se la disputer justement, mais à la désirer, ou en avoir besoin, ou avoir une info, c'est un peu la même chose. Comme du coup je l'ai, avant Bruno et Sébastien, j'ai noté des mots qui sont passés, phytorémédiation, je connaissais pas assez pour que ça me soit familier, du coup je vais m'en souvenir. Phytorémédiation, et tu vas pouvoir bien nous en dire là-dessus. Agroécologie, enfin Pierre Rabhi, agroécologie. Moi j'ajoute agriculture forestière, enfin cultiver avec les arbres, c'est dans l'agroécologie, même si c'est pas le cheval de bataille de Pierre. Lui, Pierre Rabhi, son expertise, elle est dans la refertilisation des sols subsahariens par des simples méthodes, pas du tout technologiques, au contraire, de récupération de l'eau de pluie qu'il y a, parce qu'il y en a quand même un petit peu dans l'année. La même chose qu'en Ardèche, en gros. Et pour te répondre à toi, que je veux toujours appeler Adrien, Jérôme, vous parliez pas de la même chose, c'est pour ça que j'ai levé la main. Bien sûr que dans les zones désertiques, il y a de la vie et une vie sublime. Mais là, je crois que toi, dont je connais pas le prénom, tu parlais, Camille, tu parlais des endroits qu'on a détruits, nous, soit avec des produits chimiques, soit avec trop de béton, etc. Et effectivement, là, t'as raison, de toute façon, la nature reprendra ses droits, mais on a quand même pour mon point de vue, une surpopulation mondiale qui fait que les espaces sont très disputés, pas seulement la parole. D'ailleurs, la parole est de plus en plus disputée parce que l'espace va être de plus en plus disputé. J'ai fini. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Oui, oui, il y a Ulysse qui voulait parler, en fait, avant. Donc, je vais lui passer la parole. Bon, bonjour. Hein. Alors, puisqu'on est dans l'ordre des mots, je commence par un substantif où je vois que l'écologie et l'économie se conjonquent. Disons, c'est la même chose à peu près. Si on pense à la corruption de l'ambiance et la corruption de l'économie, c'est à peu près les mêmes principes. Je ne sais pas si je me suis expliqué, mais la corruption de la nature, une nature corrompue, c'est évident, et une économie corrompue aussi, c'est évident, mais étant à la même, les mêmes objectifs. Moi, je crois que quand on commence à descendre dans les détails, les desserts, la pollution, tous ces détails qui concernent l'homme qui les provoque sont insignifiants par rapport à la corruption qui est bien plus grave parce qu'il s'agit d'une chose de l'esprit. Et si on me demandait dans quel monde voudrais-tu vivre, moi je voudrais vivre dans un monde où on respecte l'ordre des choses, l'ordre de la nature. Voilà. Si on sort de l'ordre, c'est évidemment qu'on va vers un mur, puisque la nature impose l'ordre. Et si on s'oppose à l'ordre, eh bien on paye après. Tout simplement, je porte l'esempio de la vitesse. La première fois, parmi les premiers jours que je suis venu ici sur la place, j'ai parlé de la vitesse, j'ai dit la vitesse c'est un vol. La vitesse c'est un vol, et on le voit pratiquement en réfléchissant un petit peu. Il suffit de baisser la vitesse d'une voiture et la pollution baisse. Si on augmente la vitesse, on prend de l'avance, c'est-à-dire on consomme de l'énergie sur le temps à venir. Dans ce sens, la vitesse c'est un vol. Là, ils se battent avec les jours alternés, c'est ridicule. Ridicule. La pollution est dans les ciels depuis des années. Je me souviens dans une promenade, une randonnée plutôt. On traversait les Alpes à 20 km par jour à pied. On avait le temps de s'allonger et regarder. Et dans les ciels, à l'époque, je voyais des petits points noirs qui se baladaient à droite et à gauche. C'est trop tard. L'alternance, qu'est-ce que c'est? Rien de cela. La solution serait de baisser la vitesse. Mais baisser la vitesse sur la route, c'est baisser la vitesse dans le comportement. C'est-à-dire, c'est renoncer à la compétition. Et là encore, l'écologie et l'économie, la compétition et la concurrence. Toutes les fausses idées de la pollution spirituelle, intellectuelle et autres. Et là, je rends la parole parce que je vois qu'il y en a d'autres qui veulent parler. Mais si on m'invite, je les parlerai. S'il y a des gens après qui veulent débattre avec moi personnellement, je les ferai volontiers. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Ulysse, n'hésitez pas à aller le voir. Il sera très content de parler avec vous. Donc, qui veut continuer sur l'environnement? Ouais, je ne sais pas si je vais faire avancer le truc, mais en fait, c'était juste sur l'idée de... On a pas mal entendu de laisser faire la nature. Mais en fait, pour moi, je sais pas, pour moi, je sens qu'il y a une espèce de tromperie là-dedans, parce qu'en fait, laisser faire la nature, pour moi, si on veut vraiment laisser faire la nature totalement, on se retrouve chasseur-cueilleur, parce que forcément qu'on va agir sur la nature. Tu plantes un pied de tomate, tu défais l'ordre, enfin, que tu dis par exemple, c'est toi qui imposes cet ordre, c'est toi qui sèmes cette graine ici. Enfin, je veux dire, c'est pas là, et là, donc t'as bien agi, au moins, t'as déjà agi, quoi. C'est toi qui as décidé qu'elle allait pousser ici. Donc, à partir de ce moment-là, après, oui, il y a tout un tas de techniques où on va faire comme la nature ferait, mais t'as quand même déjà décidé que c'est là, t'as décidé de ce que tu veux. Enfin, pour moi, il y a une tromperie, on peut pas laisser faire la nature à 100%, et du coup, c'était juste pour dire que du coup, faut qu'on soit conscient de ça, que dans tous les cas, on devra agir dessus. Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, on doit agir dessus, et ben après, voilà, savoir comment. Enfin, ou alors on n'agit pas dessus, mais c'est ce que je disais, c'est, je crois que le seul moyen de vraiment pas agir dessus, c'est enlever tous les barrages, enlever tous les, comme tu disais, laisser tous les sous-sols tranquilles et après bah, redevenir chasseur-cueilleur, parce que sinon, voilà, enfin, je sais pas. Donc je sais pas si j'ai fait beaucoup avancer le truc, mais voilà. Bah, au final, tu fais partie de la nature, c'est ça le truc. Ouais, tu agis sur elle, mais toi, t'en fais partie, donc c'est la nature qui agit tout court, tu vois. Parce que toi, tu es la nature, dans l'idée. En tout cas, dans son idée, c'est ça, tu vois. Et du coup, forcément, après, tu apprends à la suivre, je suppose. Enfin, moi, c'est ce que je comprends, en tout cas. Bah, en fait, je voulais intervenir. Tu as répondu en partie à la question. Quand je disais laisser faire la nature, j'aurais dû préciser que l'homme faisant partie de la nature pourrait changer ses comportements et travailler à aider la nature dans son travail de soins, dans son travail d'auto-guérison. Par exemple, là, on avait parlé des sols qui sont désespérément pollués. Bon, on a découvert, par exemple, qu'il y avait des plantes qui étaient capables d'extraire les métaux lourds du sol, voire même certaines qui sont capables d'extraire les radionucléides du sol, c'est-à-dire que, à terme, on pourrait dépolluer un sol radioactif. Ça va, actuellement, un sol radioactif, il faut compter 25 à 100 000 ans pour qu'il se dépollue tout seul. En l'aidant, en utilisant des plantes phytorémédiatrices justement capables d'extraire les radionucléides, en particulier les champignons et les lichens, on pourrait arriver en théorie à un résultat de 3 à 4 000 ans. Ce qui est quand même un formidable progrès, même si c'est à très longue échelle. On a même découvert des plantes qui étaient capables d'absorber l'uranium et le plutonium. Plutonium qui est une substance qui n'existe pas dans la nature et la nature dispose déjà de moyens pour lutter contre le plutonium. Il faudra juste les aider. Et puis ces plantes, la plupart, elles n'ont guère d'intérêt économique, si ce n'est alimentaire, pour beaucoup d'entre elles. Donc les enjeux pour développer, on va dire, j'aime pas trop le terme, mais cette technologie biologique, il n'y a aucun intérêt. Surtout qu'on va privilégier actuellement les enjeux, les solutions industrielles qui présentent des gros investissements et donc de gros potentiels économiques. On pourrait vraiment faire confiance à la nature, la laisser faire, l'aider. Pour protéger, entre autres en ville, faudrait peut-être arrêter de nettoyer les murs des façades par des ravalements, parce qu'en faisant ça, on enlève les mousses et les lichens, qui sont des grands dépollueurs de l'atmosphère urbaine. Bon, je vais les prendre pour Sébastien et pour Bruno aussi. Tu dis, c'est l'homme qui doit conduire la nature, en certain sens. Il la maîtrise. Il la maîtrise, en fait, je ne dis pas ce qu'elle veut, mais presque. C'est déjà les saisons, il est obligé de les respecter. La nuit et les jours, il doit les respecter. Mais, par exemple, la nuit debout, ça ne respecte pas la nature. Parce que la nuit est faite pour dormir, pour autre chose aussi, et les jours pour vivre. Mais ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. La corruption, comme j'ai dit tout à l'heure, et la compétition sont si proches. Le problème non est tellement l'œuvre dell'homme qui corrompe la nature, c'est la tendance au record, la tendance au surhomme, la tendance alla vitesse eccessiva, la tendance all'exploit, c'est-à-dire la tendance m'as-tu vu, la tendance je pense mieux que toi, etc. C'est-à-dire... C'est le manque de respect vers les autres, plein de choses. Disons que quand je dis l'ordre des choses, j'évoque aussi la morale. Mais attention, déjà quand on dit l'ordre, on est à droite. Et quand je dis la morale, on est à l'église. Et ce n'est pas du tout ça, et on le voit. Quand je dis que la pollution est surtout cérébrale, pour ne pas dire intellectuelle, hein, l'homme qui se bat contre la mort, où est l'ordre des choses? Quand je suis né, j'ai accepté de naître. Et j'attends de mourir pour accepter de mourir. On se bat. J'ai entendu un trombon aujourd'hui à la radio qui disait, mais comment si vous continuez à faire comme ça, il n'y aura pas assez d'alimentation sur la terre, tellement les hommes vivront vieux, presque éternels. Au lieu de mourir en tranquillité. On se bat contre la maladie. La maladie existe avec l'homme, il a fait l'homme. Les exploits de la médecine et des sciences qui nous créent des problèmes tous les jours. et on y va. Parce qu'on n'est pas honnête avec nous-mêmes. L'erreur qu'on condamne, on doit les condamner, l'erreur, qu'il ne reste plus une erreur, il reste une façon de vivre. L'erreur aide l'homme à réfléchir. Bravo, merci. Voilà. Bon, alors, ayons le courage et le monde dans lequel on veut vivre demain, je reviens à l'ordre des choses, l'ordre de la nature. Il n'est pas avoir la prétention que nous, en tant que contenu, la nature, en tant que contenant, et la prétention de connaître les contenants, on ne connaîtra jamais la nature en entier. Hein? Mais on a décidé les bing et bang, et on sait tout. On possède la vérité. Hein? S'il y a une vérité, c'est celle de ne pas la posséder. De la chercher, c'est normal. Mais de l'affirmer, c'est une grave erreur. Voilà, j'étais venu ici sur la place dans l'intention de ne pas prendre la parole, et donc là, je vous la rends. Mais je suis là encore quelques temps. Si quelqu'un veut bavarder avec moi, je suis là. Merci beaucoup. Merci Ulysse. Allez, on fait tourner la parole. Et ceux qui n'ont pas encore participé, n'hésitez pas à participer. Ceux qui viennent d'arriver, je le rappelle, on est sur l'atelier Debout Éducation Populaire. Et aujourd'hui, on parle de l'environnement. Dans quel environnement vous voulez vivre? Et qu'est-ce que c'est pour vous l'environnement? Il a été question tout à l'heure de parler d'agriculture, pas mal. Et grâce à Ulysse, en fait, j'ai découvert une œuvre de Xénophon qui s'intitule « L'économique ». Et dans cette œuvre, effectivement, on constate que l'économie, pendant très longtemps, ça a été essentiellement l'agriculture. Et donc cela jusqu'au physiocrate, c'est des premiers économistes. Et ensuite, à partir de l'avènement du capitalisme, on abandonne l'agriculture pour aller vers le marché, l'économie de marché, etc. Et donc moi, je pense effectivement que l'idéal, ce serait de revenir quelque part à l'agriculture, mais tout en sachant que grâce aux technologies actuelles, l'homme serait libéré justement du labeur et donc du travail, du tripalium. Et donc on pourrait, dans l'idéal, ce serait ça pour moi, ce serait vraiment de revenir à la nature, mais sous une nouvelle configuration, avec aussi l'avènement d'une justice environnementale dans laquelle la terre, l'air et l'eau deviendraient des valeurs sacrées. Et donc, voilà. Ok, merci. Non, merci pour tes idées. Très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Non, personne ne veut participer. Allez, lancez-vous. Dans quel environnement vous voulez vivre? Qu'est-ce que c'est pour vous l'environnement? Tu veux continuer? Quand il y a un petit cercle de paroles qui s'est créé, il faut le maintenir comme une braise. Donc c'est pas que j'ai besoin de parler, mais parce qu'on avance sur un sujet quand même précis. Et Adèle s'est absentée, a été aspirée par Sébastien, et sans Adèle et Duc Pop, c'est moins concentré. C'est comme ça. Non, je voulais dire oui, sur Radical. Non, je voulais juste dire sur les phytoremédiations dont parlait Bruno. En fait, je voulais faire le lien entre phytoremédiation et ce que vous avez appelé environnement. En fait, par environnement, il me semble que vous êtes dans le registre des mots du développement durable. C'est-à-dire, en gros, on va dire Nicolas Hulot pour que tout le monde comprenne. Nicolas Hulot, lui, quand il parle d'environnement, il dit plus trop le mot environnement, il dit plus parce qu'il est quand même un peu pointu. Il va parler d'empreinte écologique ou d'empreinte de l'homme dans la nature comme Adèle. Et donc, finalement, j'ai l'impression que votre atelier d'aujourd'hui, le sujet, ça serait l'empreinte écologique, comment y remédier, c'est ce que disait Adèle. Notamment la phytoremédiation, c'est hyper important, notamment pour la qualité de l'air, puisqu'on peut, en plantant les plantes dont tu parles, en quantité grande, y compris dans les villes elles-mêmes, sur les toitures et tout, on peut faire du boulot. Voilà, j'ai participé à continuer. Merci, mais apparemment tu m'écoutes pas beaucoup. Non, parce qu'en fait, là tu dis que pour nous, l'environnement, le thème de l'atelier, l'environnement, ça parle que de ça. Moi, je pense pas, justement. C'est pour ça que moi je dis aux gens, dites-nous ce que c'est pour vous l'environnement. Moi, pour moi, l'environnement, c'est pas le développement durable. Moi, pour moi, l'appartement ou la maison dans laquelle tu vis, c'est un environnement dans lequel tu vis. Et c'est très important de réfléchir à l'endroit où tu vis tous les jours. Est-ce que tu vis dedans? Est-ce que tu vis dehors? Est-ce que tu vis dans une grotte? Est-ce que tu vis sous l'eau? Je sais pas, sur l'eau? Tu vois? Pour une société qui serait idéal, on va dire. Donc, pas énormément de gens qui sont inspirés, visiblement. Lancez-vous. Ah bah, Ulysse, on peut le laisser tourner, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein, on le connaît. Bah pour les solutions agricoles aussi, il y a des solutions. On peut faire appel aux capacités de la nature, aux capacités dont elle dispose déjà. Il y a l'agroforesterie qui consiste à en fait reconstituer, mais à but alimentaire, des forêts avec des prairies, des clairières, afin de produire des aliments. Il y a la permaculture qui permet d'entretenir des. Ça va plus s'adresser à des jardins, même de grande taille. Il y a l'agriculture vivrière. Ça risque d'être, à mon avis, plus à petite échelle. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais ce qui permet d'alimenter des communautés plus ou moins grandes, enfin plutôt petites, en fournissant une grande diversité alimentaire. Il faudrait peut-être aussi revoir cette idée de grande monoculture qui est un système aberrant, puisqu'on plante sur des hectares et des hectares une plante qui, pour la faire vivre, afin qu'elle bénéficie de toutes les ressources en nutriments du sol. Sauf que cette plante, comme elle pousse toute seule sur le sol, elle va épuiser le sol. Donc on est obligé d'utiliser des engrais, toujours plus d'engrais. Ce qui nous amène à la pollution des eaux qu'on a actuellement. On nous dit que les eaux de source, elles sont complètement enrichies en nitrates. On renonce à ces systèmes de pollution qui sont de caractère industriel. Quand je parlais de la permaculture, de l'agroforesterie, c'est que l'agroforesterie peut obtenir, déjà en Europe, les expériences ont été faites et permet d'obtenir des rendements de jusqu'à double ou triple des grands champs. Bon, après, pour un industriel, c'est moyen parce que ça veut dire qu'il a non pas un produit à fournir, mais 60. Il n'y a pas besoin d'engrais puisque c'est l'équilibre des plantes, c'est les associations entre les différentes plantes, les symbioses, des quasi-symbioses qui vont favoriser la croissance des plantes et leur protection aussi contre les insectes. Par exemple, planter des carottes à côté de poireaux, les poireaux vont mieux pousser, les carottes vont mieux pousser. En plus, la carotte va repousser deux parasites du poireau et le poireau va repousser un parasite de la carotte. Donc on évite les engrais, on évite les pesticides et on a deux fois plus à manger. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est ça qu'on peut se demander du coup. Ah, réponse directe, vas-y. Ça se faisait avant. J'irais jusque dans les années 50 en France, c'était une culture qui était relativement courante. Au Moyen-Âge, c'était une évidence en Europe. On est passé à l'industrialisation, on a eu les tracteurs, il a fallu couper les haies pour pouvoir augmenter la surface des champs, pour pouvoir produire toujours plus. Et en fait, c'est un savoir qui était un acquis normal. Personne ne se posait la question et on l'a complètement perdu aujourd'hui. Ok, merci pour la précision. Et voilà, je vais essayer d'attirer les gens en disant qu'il y a du gâteau et du thé et du café gratuit si vous voulez. Oui, bien sûr que je vais redire le sujet. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, aujourd'hui on parle d'environnement. Dans quel environnement vous voulez vivre plus tard? Et l'environnement, c'est pas que Nicolas Hulot, hein. Je tiens à le préciser. Non, vraiment, dans quel environnement vous voulez vivre? Comment vous voyez, par exemple, on peut parler de la ville de demain ou... Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens nous parler de la ville de demain ultra connectée. Est-ce que ça, c'est dans le monde dans lequel on veut vivre? Est-ce qu'on a envie de vivre là-dedans? Moi, personnellement... Oui, bien évidemment, on peut parler de ce qu'on veut pas. Dans l'idéal, il faut amener des idées de la vie qu'on voudrait avoir, mais c'est vrai que c'est pas évident. Oui, je vais être très très bête et méchant, quoi. Mais des trucs logiques pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis bête et méchant, ça me paraît tellement évident. Mais en fait, dans tout projet, même surtout dans le privé, par exemple, tu viens de me faire penser dans la ville ultra connectée ou quoi. Il y a plein de choses là-dedans, à mon avis, qui sont ultra polluantes, c'est sûr, tu vois. Dans la fabrication, dans l'utilisation, enfin voilà. Et donc moi je suis pas foncièrement contre pour être contre. Après, en fait, comme dans tous les trucs, je pense que si on mettait toujours en premier la qualité, enfin en tout cas l'humain d'abord, si on mettait toujours l'homme en premier, comme conséquence, comme base de réflexion, quoi. On mettrait pas des panneaux qu'on a dû creuser je sais pas quoi pour fabriquer et qui va polluer pendant des années. Parce que si on avait juste imposé cette règle de base de penser aux conséquences sur l'homme, on fabriquerait pas ça. Donc pour moi ça me paraît juste évident, mais c'est juste de mettre imposer un truc de base, une règle de base qui fait qu'on n'a pas le droit tout simplement d'agir comme ça en fait. Voilà, c'est tout. Ça me paraît bête, mais voilà. Ouais, je suis d'accord avec ton raisonnement, mais c'est compliqué à mettre en place parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y en a qui l'ont imposé et pour eux c'était évident qu'on vive dans ce monde-là et pour eux ça leur convient très bien, tu vois, d'une certaine manière. Et il y en a il y en a beaucoup qui veulent pas vivre dedans, mais comment ils font pour choisir ? Ça c'est le débat, donc l'attaque, vous venez de résumer le débat, hein, bien. Et je suis sûr que tu te fais un peu l'avocat du diable parce que c'est pas seulement ton point de vue que tu donnes là. Tu viens de parler de règles. On est juste à côté d'une caserne. On vit dans une société où il y a des règles et où, en dernière extrémité, les policiers sont là pour faire appliquer les règles. Moi, je suis, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis plutôt anarchiste, au niveau vraiment, si je dois me définir en un seul mot politiquement, je dirais ça. Donc, je suis pas pour les chefs ni pour la police ni tout ça. Mais tant qu'il y a des flics qui prétendent nous gouverner, ou des banquiers, ou en tout cas des gens qui actionnent les flics avec leur levier, le curseur, et c'est le sujet de la conversation, pour moi, c'est l'empreinte écologique. À partir de là, effectivement, il y a plein d'usages qui seraient censés disparaître, et alors que la population ne le veut pas, au contraire, elle est très technophile. Elle veut de l'ordinateur portable, etc. Elle en veut, on en veut. Même dans la forêt amazonienne, on veut la télé pour voir le match de l'équipe de foot du Brésil. Donc c'est un désir. Le problème qu'on a, c'est que cette société-là, qu'elle soit marchande ou seulement technologique, parce qu'on pourrait l'imaginer à prix coûtant, sans le profit, sans le lucre. On peut imaginer une société consumériste qui marche à fond. On se fabrique tous les uns les autres, on fait bosser des machines pour eux, et on fabrique tout le temps des objets on épuise notre planète. Donc si le critère, c'est la planète Gaïa, si les flics, c'est ça la loi, et on peut l'imaginer dans une constitution qui arriverait là, et on va au moins changer. En fait, il ne s'agit pas d'interdire à monsieur ou madame d'avoir son portable, comme ça, évidemment, ça serait très impopulaire. Par contre, les industriels, ils vont être obligés de tendre vers les modèles vertueux qu'ils ont eux-mêmes définis depuis des années. Ils nous font tout un greenwashing avec des discours parfois pertinents technologiquement. Si on les oblige à le mettre en œuvre massivement, on avance vite en termes d'arrêter l'empreinte écologique. Quand je dis vite, c'est des horizons à 5 ans, quoi. Mais c'est pour ça, faut que les flics, ils aillent dans le bon sens. Les flics et le reste de l'appareil de répression, quoi. Ok. Donc il y aura encore de la police dans le monde idéal. Non, je rigole, c'est pas le thème du jour. donc on continue. Hein. Qui est-ce qui veut apporter ses idées? Ces idées géniales. Du monde dans lequel il veut vivre, dans l'environnement dans lequel il veut vivre plus tard. Madame, on sent que vous avez envie. On sent que vous avez envie de dire quelque chose. Non, mais faut pas hésiter. Voilà. Comment vous voyez le monde de demain? Comment vous avez envie qu'il soit, ce monde? L'environnement dans lequel on va vivre. Donc là, on a beaucoup parlé d'agriculture. Et voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce qu'on continue à utiliser des avions? Est-ce qu'on continue à envoyer des fusées sur la Lune, sur Mars, sur je ne sais quoi? Est-ce qu'on continue à faire tout ça? Est-ce que l'homme fusionne avec la machine? Est-ce que dans le monde de demain, on veut ça? Moi, j'ai l'impression des fois qu'il va y avoir un clivage énorme entre ceux qui vont retourner à la Terre et ceux qui vont partir vers le transhumanisme. Donc il y aura les villes ultra connectées avec des hommes semi-robots et des hommes arriérés, soi-disant, dans leur campagne, en train de cultiver leurs fruits et légumes. Et du coup, dans lequel on veut aller? Il y en aura peut-être d'autres, on peut en faire un autre, un troisième, un quatrième. Vous voulez participer? Non, mais on va pas faire prendre les deux extrêmes. Il doit bien y avoir un milieu aussi. Un milieu qui soit et dans l'agriculture, enfin dans la nature, avec un petit peu de technologie quand même pour nous faciliter un petit peu la tâche. Oui, c'est ce que quelqu'un nous a dit tout à l'heure. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. D'utiliser les technologies actuelles de manière à ne plus travailler dans la torture, quoi. Enfin, c'est ça le terme, travail-torture. Je te passe la parole après. C'est vrai que tu as posé, je pense, le problème fondamental de la société de demain par rapport à l'écologie politique entre deux écoles. L'école de Jacques Ellul, qui lui est plutôt du côté de la nature, plutôt anti-machiniste, anti-technique. Et puis de l'autre côté, c'est Bouchkine, qui lui, c'est l'écologie sociale, qui lui veut utiliser justement la technique pour libérer l'homme du travail. Et donc tout l'enjeu est de réussir à synthétiser ces deux idées. Et pour ma part, je pense pas qu'on puisse. Enfin, je pense que abandonner la technique et revenir à la nature, ce serait une forme de régression, dans le sens où on reviendrait en arrière. Et en plus, le problème, c'est en termes de géopolitique. On sait aujourd'hui que ceux qui dominent, entre guillemets, géopolitiquement, c'est ceux qui maîtrisent la technologie. Donc si on abandonne nos savoir-faire technologiques, ben, on sera dominé par d'autres puissances qui, eux, les auront. Donc je pense que pour des raisons de sécurité et même pour des raisons même économiques, je pense qu'il faut, on est inévitablement obligé de passer par la technique. Maintenant, la technique en soi, c'est pas mauvais. Ça peut aussi, par exemple, l'énergie solaire, etc. Donc voilà, bon, moi je suis plutôt partisan de l'écologie sociale, de Bouchkine, mais tout en étant effectivement très attaché aux valeurs de la nature, d'où l'idée de sacraliser la terre, l'air et l'eau. Alors justement, sur où on en est avec la technologie, par exemple les RFID, par exemple, le problème, il y a plein d'exemples, c'est ça, où on dévie de ce qui pourrait être bien vers... et c'est notre état d'esprit général, malheureusement. Alors, on va pas pouvoir le limiter, cette histoire-là. Technique, qu'on le veuille ou pas, quand on se projette, elle sera là. Et donc, le changement à faire est du côté mental. Et, par exemple, sur l'état d'urgence, tous les moyens d'espionnage mis en œuvre, etc. La technique permet des tas de trucs et on prend le penchant le plus pire le plus souvent, quoi. Le plus souvent. Et nous, par exemple, on s'en sert pour faire des transmissions, avec, comme hier sur la place de l'Hôtel de Ville, à Alep. Mais la technologie qui permet de bombarder, ben, elle bombarde. Hein. Donc, c'est pas possible de prendre une position générale. Et donc, on ne peut pas prendre une position théorique, avec des idées théoriques là-dessus. Et ça, c'est oblige à réfléchir autrement et pas, comment dire, pas trop par concept. Merci. Je vais lui passer la parole parce qu'il n'a pas encore parlé. Donc, il y a plusieurs tours de parole, c'est incroyable. Les gens, ils ont envie de parler maintenant. Donc, il y a des gens qui sont arrivés, donc j'ai envie de rappeler juste le thème quand même du jour. Donc, aujourd'hui, on parle de l'environnement. On est sur l'atelier Debout Éducation Populaire. Quelle société veut-on ? Et on parle d'environnement. Et donc l'environnement, c'est pas que l'écologie, c'est l'endroit dans lequel on vit tous les jours et tout ce qu'on fait tous les jours. Donc, moi, c'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos de la technique, là. Donc évidemment, la technique, bon, on peut prendre des exemples, mais les exemples ne font pas la règle. Je rappelle toujours, hein, les exemples ne font pas la règle, c'est un truc qu'il faut se répéter tout le temps dans sa tête et à chaque fois qu'on intervient, parce que les exemples ne font pas la règle, voilà, c'est important. C'est pas avec des exemples, voilà. Donc la technique, c'est pour quelle fin? Évidemment, on voit d'un côté la technique, on peut avec des technologies arriver à soigner des gens, à faire des trucs assez extraordinaires avec des robots. On peut arriver à avoir une précision chirurgicale extraordinaire et aujourd'hui sauver des vies, quoi, etc. Et de l'autre côté, évidemment, ouais, il y a les bombes, etc. On voit les technologies militaires qui détruisent toujours plus et toujours de façon aussi plus voilà, quoi, de voilà. Donc la question, c'est quelle fin, et la technique, c'est qui possède la technique. Et là, je reviens sur l'interlocuteur d'avant. Oui, c'est ça, la technique, elle doit être au service du peuple. Il faut certainement pas la laisser à quelques personnes qui utilisent la technique pour simplement gagner de l'argent et qu'en veulent toujours plus. Voilà, la petite minorité qui nous gouverne, la petite oligarchie plutocratique, la petite minorité de riches qui nous gouverne et qui nous emmène dans des guerres pour des on sait même plus, quoi, parce que si c'est des malades, quoi, ils ont de l'argent pour des milliers de générations, mais ils en veulent toujours plus. C'est assez bizarre, c'est une espèce de du bris, de démesure folle, de domination, etc. Bon, bah, c'est ces gens-là qu'il faut surtout pas donner la technique, et la technique, elle doit être au service du peuple. C'est le peuple qui doit se réapproprier la technique, ce qui n'est pas le cas. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est une minorité de riches qui détient la technique, et c'est ça qui est grave, quoi. Et de plus en plus, quoi. Et plus on privatise, et plus on empêche, plus on privatise, et plus c'est des privés qui détiennent la technique, et voilà, c'est grave. Voilà, la technique, elle doit être au service du peuple, comme tout ce qui est technique pour la santé, etc. Voilà, c'est juste pour rebondir sur la technique, je suis peut-être un peu sorti de la question de l'environnement. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que les gens venaient de dire avant. Non, hein, comme j'ai dit, hein, l'environnement, c'est vraiment, voilà, justement, je trouve ça intéressant ton témoignage, parce que c'est l'environnement dans lequel on vit tous les jours. Donc toi, tu as envie d'un environnement où la technique, les progrès technologiques sont au service du peuple, en gros, c'est ça. Alors je profite qu'Adèle est revenue, parce que du coup, à partir de là, de ton retour, ce qu'on dit est susceptible d'être retenu contre nous, puisque tu notes, non? Donc, mais parce que pendant que tu étais parti, il y avait un débat, avait un moment vachement intéressant. Hein? Ah, pardon. En tout cas, sur l'empreinte écologique, il y a des choses... Là, je redis ce que disent des gens très mainstream, très grand public, des gens de la télé comme Nicolas Hulot, c'est lui qui formule assez bien. Il dit, il y a des choses où on doit décroître et des choses où on doit croître. Ça ne veut pas dire que je suis Nicolas Hulotiste, moi, loin de là, mais si Marine Le Pen dit un truc juste, ça ne me fait pas peur de le reconnaître, y compris Nicolas Hulot. Donc il y a des choses qui doivent décroître dans nos consommations, dans nos usages habituels, dans notre mode de vie. Et puis des choses qui peuvent croître et même qui doivent croître. Par exemple, les plantes phytoréparatrices de Bruno, leur usage doit croître. Et si c'est par le commerce, bah du coup, ça sera une croissance du commerce des plantes phytoréparatrices. Et si on sortait du commerce, ce serait encore mieux. Mais là, on rentre dans le rêve à plus que 5 ans, quoi. Le rêve de long terme. Je rappelle que tout le monde peut prendre la parole, même ceux qui sont éloignés du micro, ils font un petit signe. Allez-y, madame. Donc pour revenir à peu près ce que tout le monde a dit, moi j'ai 46 ans, je suis par ma mère du Nord, je prenais l'eau dans le puits, enfin pas moi, parce que ma famille prenait de l'eau dans le puits, on avait les fruits et légumes dans le jardin, sains, il n'y avait pas de pesticides, chauffés au poêle au charbon, et ben c'était l'ancienne vie et on était bien. La technologie, on en a besoin, comme dit le monsieur, pour la médecine par exemple. Pour pas mal de choses, mais quand on voit les enfants qui se battent pour les portables et machin, je trouve ça un petit peu débile, ou les téléphones, c'est débile. On en a même une société qui s'en sert pour faire des trucs plus en plus, soi-disant mieux, mais les gosses sont toute la journée sur leur portable, ils savent même plus écrire le français, et je suis pas française de souche, je suis moitié algérienne, moitié française, et le français s'est perdu, et je sais pas... Il y a des choses, si on n'a pas d'agriculteurs, si on n'a pas les choses simples de la vie, on perd tout. Je sais pas comment expliquer ça. Technologie, oui. Après, technologie pour du pognon, non. Voilà, c'est le résumé. L'agriculture, on en a besoin. Si on ne mange plus des choses saines, moi, j'ai pas envie de manger de la gastro avec de la buée ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux de la bonne bouffe. Je suis moitié algérienne, mais je mange du porc et puis je préfère une bonne potée lorraine, c'est meilleur. Merci pour votre témoignage. Oui, je suis tout à fait d'accord que la technologie, c'est une très bonne chose. Même très avancée. Internet, c'est formidable. Les inventions aussi. L'homme peut se permettre tout. C'est bien. Du moment qu'il a assez réfléchi sur les conséquences. Le problème n'est pas l'invention, c'est ce qu'on en fait. Ça, c'est fondamental. L'homme a toujours été technologique, toujours avancé, toujours du progrès, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, qu'à un certain moment on passe all'automatisme, et la machine qui doit remplacer l'homme. Alors ça, merci, je n'en fais pas. Et ce n'est pas une obligation d'y aller contre ce mur. C'est un changement fondamental des sociétés, aberrant. Et pourtant, ça sera l'œuvre de l'homme. Et l'homme fait partie de la nature, et ce sera peut-être l'œuvre de la nature aussi. Mais c'est là que l'homme peut intervenir, à aider la nature à se faire respecter. Parce que les animaux rispettent la nature, c'est l'homme qui ne la rispette pas. Et c'est là qu'est le combat politique, en sens. Le monde de demain, dans lequel je voudrais vivre, c'est un monde où j'ai le temps de me reposer. Un monde où j'ai un temps pour travailler. Le travail n'est pas une punition. Le travail, c'est une occasion. C'est un bien-être, c'est un bonheur. C'est par le travail que l'homme a appris à vivre, a appris à penser, a appris le langage. Voilà. Et puis continuer à apprendre. Il y a un monde entier, un univers immense à découvrir. Et l'homme doit le découvrir. Mais pour le découvrir, il enlève les pains de la bouche des autres. C'est là le problème. C'est la compétition, la concurrence, la vitesse. Ce sont des aberrations. La morale. Voilà. Allora, j'en parle pas parce qu'on m'a dit que je dois parler de certaines choses et pas d'autres. Hein? Mais je reviens au principe. Ces mots, cet adjectif horrible, amoral, avant 1885 n'existait pas. Un philosophe sans le savoir, un certain Gorot, quelque chose comme ça, vous le trouverez sur Wikipédia, et j'aime pas faire les citations, a sorti ces mots et ces mots ont eu un succès énorme. Inattendu. En 1925, il y a eu un congrès qui a condamné ces mots. La morale n'existe pas. C'est morale ou immorale. Et l'ordre de la nature, c'est morale. Je sais que je parle trop. Khaled. Voilà. Alors Khaled me dit d'arrêter. J'arrête, Khaled. Et je t'ai pas interdit de parler de parler de certaines choses, Ulysse. C'est juste que je sais que quand tu commences à parler d'un sujet, tu t'arrêtes plus. Et du coup, nous, on veut faire circuler la parole. Il y a quelqu'un, alors il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé, du coup je lui donne la parole directe. Ouais, merci, bonjour. Alors déjà, par avance, je ne suis pas un bon orateur, donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais simplement, je m'interroge, c'est vrai que je dévie un petit peu, puisqu'on parlait tout à l'heure de technologie, mais aussi ça se lie à l'environnement dans lequel on peut vivre, puisque la technologie est censée être au service de l'homme et de l'environnement. On voit que certaines personnes s'interrogent sur le fait que la technologie, les avancées technologiques puissent libérer l'homme du travail. On voit justement que certains emplois sont libérés au profit, enfin grâce aux nouvelles technologies, comme ce dont on commence à parler avec Amazon qui ouvre des supermarchés sans caissière, comme certains emplois qui sont remplacés par la robotique depuis des années. Et donc certains s'interrogent sur les possibilités de que l'homme s'exempte du travail tout simplement et soit grâce à la technologie n'ait plus à travailler demain. Mais justement, ça pourrait permettre à l'homme de se préoccuper plus de soi et de son environnement également. Donc j'ai pas peur, moi, des inventions et de la technologie. Je m'interroge sur les capacités qu'elle a à nous aider justement à nous libérer du travail. Alors certains se complaisent dans le travail. Moi, pour moi, le travail, je l'aime également. Mais finalement, le travail, c'est du labeur. Et le terme travail, à la base, c'est de l'esclavage. À la base, le travail, c'était pour définir le fait que c'était une torture de l'homme. Donc certains se complaisent dans leur travail. Moi, je l'aime, mon travail. Mais je ne serais pas contre que justement la technologie puisse m'en libérer pour me préoccuper de moi, des miens et puis également de mon environnement au terme large. Voilà, c'était juste ça. Merci. Raisonnement très intéressant, mais du coup, toutes les machines qu'on va fabriquer pour arrêter de travailler, il faudrait qu'on les construise sans aucun gâchis, sans aucune pollution. Et ça, aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Vu ce qu'on fait. Alors, il y a plusieurs tours de parole. Alors, ça vous dérange pas si je fais parler quelqu'un qui n'a pas encore parlé ? Vous avez. Alors, excusez-moi. Mais je préfère quand même faire parler ceux qui n'ont pas parlé en priorité. Merci. Je ne suis pas non plus un excellent. Je ne suis pas du tout orateur. Hein. Bah, pour moi, l'environnement, ça se résume à ça. Plus près du micro. Bon, l'environnement. Ah oui, effectivement. L'environnement, c'est un milieu qui permet à un groupe de personnes de vivre de manière autonome et dans une dignement et dans une certaine autonomie, mais sans exercer de prédation évidemment sur les environnements qui sont à côté. Donc le problème de la technologie se pose d'emblée. La technologie, de toute façon, elle n'est pas anodine, elle n'est pas neutre, elle n'est pas construite par des gens qui sont dans une tour d'ivoire et ensuite exploitée, mal exploitée par des commerciaux. En fait, comment elle est financée, la technologie ? La question, elle est là. Pourquoi elle est telle qu'elle existe aujourd'hui ? C'est parce qu'elle est, enfin, elle a pris une orientation qui est mauvaise. Enfin, voilà. je ne sais pas si j'ai besoin d'en dire plus, enfin, je vais pas m'engager sur le terrain du néocolonialisme, mais notre petite tablette, nos technologies, elles ne vivent que parce qu'on fait travailler, non seulement on épuise des ressources dans les pays du tiers-monde, mais on fait travailler des gens dans des conditions innommables. Enfin, c'est ça la technologie. Enfin, c'est une vraie technologie. Enfin, bon, là, pour le coup, il faut ralentir. Il faut forcément ralentir. Là, une bonne technologie, c'est une technologie que chacun de nous est capable d'inventer, d'une certaine manière. La technologie, c'est celle dont chacun est capable de saisir pour l'utiliser à son profit. C'est il faut lire Ivan Illich, quoi. Enfin, pour ceux qui connaissent, voilà. Attention, là, il y a des puristes. Et ouais, non, mais je suis. Alors, ça, c'est vraiment très important de le dire. Et c'est un peu que notre bonheur, on le doit au malheur de certaines personnes dans le monde, en fait. Et je trouve ça important de le signaler parce que on peut pas. Tout le monde ne pourrait pas vivre comme on vit aujourd'hui dans le monde. Ça serait pas possible. Ouais, c'est ce que précisément je voulais ajouter là-dessus, c'est-à-dire que. J'imagine volontiers que c'est une des petites blagues qui circule et qui font marcher pas mal de glo-glo et qui permettront à certains de pouvoir s'enrichir au passage. En un mot, les robots, ça ne sera pas pour tout le monde. Et il y a toujours des enfants qui, au Népal, vont chercher à corps nu, avec leurs petites mains, dans des boyaux qui leur tombent dessus à l'occasion, qui les écrasent. Pour trouver du minerai sans pouvoir employer des techniques que nous connaissons de l'ingénierie des mines depuis 120 ans, pour pas dire depuis 200 ans. Donc voilà, donc c'est-à-dire que pour 7 milliards d'individus, non, il y aura pas en exploitant les ressources, en exploitant les moyens, le calcul il est mauvais. Il ne concernera pas tout le monde. Donc, c'est la même histoire que dans les années 60, en disant il suffira d'appuyer sur un bouton et en fait, la machine, elle va faire la place. Non, il y aura encore pas mal d'esclaves qui feront les choses ingrates pour que peut-être une petite partie puisse avoir son petit robot qui lui accomplit des choses qui ne sont pas utiles et qui l'empêche de connaître ce fameux goût du travail, parce que le travail n'est pas que l'esclavagisme, n'est pas que ça. Le travail, c'est aussi très bien pour participer à la transformation du monde. Et disant ça, ça fait pas mal de fois que ça me chatouille sur le mot technique ou technologie. Technologie, c'était simplement l'étude des techniques. Donc évidemment, on a réinventé un mot pour donner un coup de modernité. Donc on dit technologie nouvelle, histoire de faire encore plus pléonasme. Et en fait, un oiseau lui-même, il a une technique pour faire un nid. Donc il n'y a pas de quoi être fâché avec la technique. La technique, c'est simplement le degré juste après l'outil. Donc on confond tout le temps ces éléments-là. L'outil, c'est juste l'objet qu'on a inventé. Voilà. La façon de l'employer, c'est la technique. Un peu au-dessus, quand on réfléchit à, tiens, est-ce qu'il faut prendre cette technique ou une autre, on est à la méthode. Et enfin, quand on se dit plutôt cette méthode ou une autre, ou une autre, ou une autre, alors on est en la méthodologie. Mais même jusqu'en fac, on confond un outil et une méthodologie. Donc, c'est ainsi. Voilà, tout simplement. Et autre chose pour l'ordre ou la nature ou etc. Bon, faut juste voir un opossum se faire défoncer par son prédateur ou etc. Non, nous coexistons avec nos petites bactéries, nos virus, etc. etc. Nos champignons qui bouffent ce qu'ils ont à bouffer, etc. Ce qui est très amusant même pour l'environnement, de placer l'homme ou pas au centre, c'est une illusion aussi de l'homme. De penser qu'il est tellement important que lui va protéger la nature, mais la nature, par ailleurs, s'en fout, elle a des solutions. Elle aura des solutions, elle a eu des solutions, ils étaient là avant nous, certains seront là après nous, tous ceux qu'on n'aura pas démolis seront là après nous, et même si on se bouffait du méthane plein la gueule, il y a de toute façon des petites bactéries qui savent vivre avec le méthane, nous, on ne sait pas le faire. Voilà, donc il y a des choses qui seront placés. La force de la vie, elle invente, elle va dans toutes les directions, en concurrence aussi. Et pour remettre un petit coup pour l'homme, en fait, oui, mais nous, en dehors des égoïsmes, en dehors de la cupidité, en dehors de tout ça, nous sommes aussi capables d'empathie, nous sommes capables de ces discours, nous sommes capables de cette conscience de l'autre, de ci, de ça. Enfin, il y a aussi ça. Donc, tout ça pour rebouger le débat à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas juste la nature et puis l'homme qui protège la nature, c'est lui qui a intérêt à faire gaffe à ce qui va lui retomber sur la gueule à lui. Parce que la vie, elle a tout le temps utilisé des solutions. Voilà. Non, mais c'est très juste et c'est vrai qu'on entend souvent l'homme est en train de tuer la planète, mais c'est pas. Enfin, la planète, elle s'en fout de nous, hein, tu as tout à fait raison de le dire. Alors, il y avait des tours de parole, donc il y avait vous deux, il y avait toi, et donc ce sera toi après. Merci beaucoup pour tout ce qui vient d'être dit. Là, les qualités sont d'extrêmement haute volée pour moi, ce que je trouve. Je sais que j'ai demandé la parole, mais j'ai plus l'ordre des idées en tête. J'essaie de suivre le fil de l'atelier du Pop. Vous avez employé le mot environnement. Donc, environnement, c'est aussi l'environnement social, ou pas dans l'atelier du Pop en tout cas. On voit que la nature, la préservation de la nature ou la vie en harmonie avec la nature, en tout cas la société qu'on veut et le rapport à la nature qu'on veut dans l'avenir et même tout de suite si possible. Pour moi, on est quelques-uns à avoir quand même commencé, heureusement. Ça va concerner les lois qui régissent l'économie, puisque c'est parce qu'on veut faire du profit, que ce soit sur la technologie ou sur la nature elle-même en l'utilisant d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'on fait du profit dessus. C'est con, hein, c'est vraiment vieux comme ça, combien de siècles cette histoire de interdire ou pas le profit, réguler le profit, autoriser quel type de profit. C'est difficile de se mettre d'accord dessus. Et, moi personnellement, je suis plutôt pour le supprimer clairement, comme ça c'est simple. Mais je sais qu'il n'y a pas encore grand monde qui est prêt. Tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas grand monde qui est prêt à en avoir, ne serait-ce que l'imaginaire, quoi, le courage. Et donc du coup, l'empreinte écologique, on touche à la réglementation sur le profit, et l'empreinte écologique, elle suit, quoi. C'est corrélé comme courbe, j'ai dit. Donc moi, je vais revenir sur ce que j'ai entendu sur le travail, quoi. La valeur travail, ouais, c'était ça, un peu le marxisme aussi, au 19e, on parlait de la valeur travail. Là, j'ai entendu une personne qui me dit qu'elle a peur que les machines remplacent l'homme parce que le travail, c'est bien, on peut transformer le monde. J'ai entendu aussi que c'est bien, c'est super, on transforme le monde, etc. Ben non, moi, je suis pas d'accord. Moi je trouve, mais c'est pareil, c'est des trucs d'intello. Quand on voit une personne qui travaille avec une pelle mécanique toute la journée et puis qu'on sait qu'au bout de 10-20 ans, elle est morte, quoi, la personne, parce qu'elle est complètement esquintée à travailler avec la pelle mécanique, ou moi, personnellement, je travaille à la chaîne en usine, ben, moi, je suis pour que les machines remplacent l'homme. Parce que là, au moins, moi, j'ai vu hein, des espèces de robots qui, sur la route là, qui remplacent l'homme avec la pelle mécanique. Je trouve ça génial, quoi. Mais je trouve ça vraiment génial, quoi. Voilà. Et il y a plein de machines comme ça qui peuvent permettre l'extraction, etc., etc. Voilà. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas... le travail c'est bien, machin, nanani, nanana. Mais non, on peut diminuer le travail, justement au contraire. Non, moi je suis pas pour la valeur travail. Le problème c'est le partage après. C'est que si on remplace l'homme par des machines, et ben le problème c'est qu'après il faut que le temps de travail soit partagé, qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent à la rue comme c'est le cas maintenant. Et qu'il y a d'autres gens qui profitent, quoi, c'est ça. Le problème, j'y reviens, le problème, il est que la technologie, elle doit être au service du peuple, pas au service d'intérêts privés, voilà. Parce que quand elle est au service d'intérêts privés, ben voilà, on est dans le monde, c'est le monde dans lequel on est, avec des gens qui vont travailler dans des mines, qui risquent des gamins, ou qui vont récupérer le coltan, ou des guerres, ou je ne sais quoi, pour du coltan, ou pour je ne sais quoi, voilà, parce que ça, c'est au service d'intérêts privés. Ou alors, on a une technologie avec une obsolescence programmée, une consommation. Alors là, oui, on détruit la Terre. Ouais. Avec une obsolescence programmée, on n'arrête pas de consommer parce qu'on fait des choses qui ne sont pas faites pour durer, parce qu'il faut justement que les gens travaillent. Mais non, ça, c'est des conneries. Voilà, tout ça, c'est des bêtises. On n'a pas... le travail, c'est pas... C'est la valeur travail qu'il faut réfléchir. Là. On n'a pas besoin de travailler. C'est évidemment, La personne qui est intellectuelle, machin, ou qui s'éclate dans son boulot, ok. Mais moi, je parle de la plupart des travaux de production, etc. Bah non, c'est pas indispensable si des machines peuvent remplacer tous les travaux pénibles pour les hommes. Après, le truc, c'est de partager. Voilà. C'est de partager, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent à la rue. Donc il ne faut pas que ce soit une minorité, que le travail ou la technologie soit au service d'une minorité. Voilà, je me répète, hein, mais qu'elle soit au service de tout le monde et que tout ça soit transparent. Et voilà, qu'on n'ait pas des délires d'obsolescence programmée, de consommation à tout va, toujours pour plus de profit, évidemment. Le profit, évidemment. Le profit, c'est une valeur aussi qu'il faut supprimer. Voilà. Et la valeur travail, il faut essayer d'y repenser. Le travail, c'est pas indispensable. On peut faire plein de choses sympas. Qu'est-ce qu'on appelle le travail? Transformer le monde, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le travail? Mais du coup, qui c'est qui fait la maintenance relou des machines en panne? On fabrique des robots qui réparent les machines, c'est ça? Ouais, moi, je trouve que c'est... En fait, il y a un moment, tu tournes en boucle un pied. Non, juste... Pardon, j'ai répondu. Mais je vais juste le laisser répondre. Et après, tu pourras répondre. Non, fallait pas te fâcher avec cette notion de travail. J'entends bien ce que tu dis. Surtout ce travail qui, pour moi, doit être absolument soulagé. C'était absolument pas mon propos. C'est pas grave, on va pas faire une histoire de deux personnes. Simplement, la vision que moi j'ai du travail, la vision que j'ai du travail, ça consiste à considérer que à chaque fois qu'on produit un effort pour quoi que ce soit, qu'il soit rémunéré ou pas, qu'on écrive une partition de musique, qu'on fasse ceci ou cela, c'est un travail. C'est très simple. C'est simplement parce que lui, comme d'autres choses, il est totalement diabolisé dans une histoire d'oppression, de ceci, de cela. Alors évidemment, il est vu. Moi, je parle pas du mec qui est sur un chantier à se faire chier. Je prenais l'exemple des gamins. Pour montrer justement cette exploitation. Donc voilà, OK, à la bonne heure. Mais toujours est-il, n'empêche que moi je suis, et précisément pour cette notion du travail-là, voilà. Et tout le monde en fait effectue un travail, c'est pas, voilà. Bon, ça fait rien, t'écoutes pas gars, c'est pas grave. À la bonne heure, allez, à la bonne heure. Et lui aussi. Revenons alors donc. Dans ce cas-là, sur cet environnement et sur, en fait, sur les façons dont on a d'y agir. Donc voilà, je te repasse. Attends, parce que là, il y a des tours de parole et toi, tu dois me répondre. Et donc, moi, ce que je disais, c'est vraiment que tu crées des machines pour que l'homme travaille plus, mais qui est-ce qui fabrique et qui fait la maintenance des machines? Bon, rapidement. Il faut savoir ce que c'est. Moi, j'ai travaillé à la chaîne. Il faut savoir ce que c'est que de travailler à la chaîne. Il faut savoir ce que c'est que de travailler sur un chantier. J'ai aussi travaillé sur des chantiers. J'ai fourni la bétonnière et tout ça. Moi, je peux vous dire que faire la maintenance d'une machine, c'est plus sympa que d'être sur une pelle mécanique ou avec une pelle à fournir une bétonnière ou de faire du travail à la chaîne. Voilà. Je préfère faire la maintenance de la machine. C'est plus sympa. Voilà. Ça y est, j'ai répondu. Ouais, mais du coup, tu dis tu préfères, parce que ce serait mieux, c'est relatif en fait, tu vois. Et quand tu vas te retrouver en bas de la chaîne parce que tu seras en train de réparer la machine, tu feras putain, moi je suis en bas de la chaîne, je répare la machine. Tu vois, moi je veux faire comme eux là-haut, là. Bah, c'est le raisonnement, ça pour moi c'est le raisonnement humain, hein. C'est, t'es en bas de la machine, t'as la rage, du coup tu veux aller là-haut. Bah, non, mais en tout cas, le raisonnement de la machine qui remplace l'homme, moi je trouve que ça tourne un peu dans ce sens-là. Mais c'est mon avis après, tu vois. Là, je suis médiateur, j'en profite, j'avoue. Je vais passer la parole. tu devais parler aussi. Je vais passer la parole à lui parce qu'il n'a pas encore parlé. Et après, je te passe la parole. Moi, en fait, je voulais parler par exemple sur la consommation. Comme tu l'as dit, Khaled, il y a aussi un gros problème, c'est qu'on est dans une société où on nous apprend à fort consommer. Il faut consommer avec la publicité, avec, comme tu as dit, les appareils obsolescents. Donc, malheureusement aussi, je pense que tant qu'on sera dans un mode où il faudra toujours consommer. L'environnement, je pense que ça changera pas grand chose. Et je pense que rien que là-dessus aussi, il faut faire un gros travail, je pense, sur la population, à montrer que voilà, malheureusement, du bois, toutes les choses là, c'est pas limité. Que les arbres, c'est pas limité, ça pousse pas, c'est pas en une seconde qu'on peut produire 100 kilos de bois, qu'il faut du temps. Donc après, je pense aussi, faut apprendre aux gens à consommer raisonnablement. Et peut-être faire montrer que voilà, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas tous besoin d'avoir une tablette, un PC ou beaucoup de choses. Je pense que juste un PC, ça suffit largement à faire des choses, à regarder des vidéos, à faire des textes, etc. Et que tant qu'on n'aura pas, tant que je pense, on ne prendra pas conscience de cette façon-là de consommer et de voir la chose, je pense que ça changera pas beaucoup. Et après, je voudrais aussi dire un truc sur l'agriculture, comme tu l'as dit. Je pense que aussi là-dessus, il y a un gros travail à faire. C'est malheureusement après la guerre, on a mis une politique où il fallait produire pour nourrir la population après la sortie de la guerre. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cet état-là, dans cette façon-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui en France qui voudraient produire plus sainement des terres. Sauf que aussi, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas produire plus sainement parce que les productions primaires ne sont pas payées, comme le lait, comme le blé. Et déjà, je pense que hein, régler toutes ces choses-là, ça permettra aux agriculteurs, s'ils sont mieux payés, de pouvoir être plus performants sur leur production. C'est-à-dire peut-être d'utiliser moins de produits phytosanitaires et de faire des choses avec des plantes, réutiliser un peu le vivant. Donc je pense que aussi, ouais, tout ça, c'est des choses à penser. Et tant qu'on sera dans une société de consommation, il faudra toujours manger, produire. Je pense qu'on ne fera pas grand-chose, on ne pourra pas changer grand-chose, malheureusement. Du coup, il faut changer notre état d'esprit. Je vais lui passer la parole parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Après, je te passe la parole. Je crois qu'on s'est un peu écarté sur l'environnement. Le jeune homme est revenu dessus. L'environnement, c'est pas que le problème du travail. Le travail, c'est encore autre chose. L'environnement, c'est surtout l'endroit où on vit et comment et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, c'est par exemple les gestes simples. C'est trier la poubelle. Plastique dans les plastiques, attention, les bouteilles d'huile, c'est dans les déchets non recyclables. C'est avec la nourriture, ceux qui peuvent faire, c'est faire du compost, des choses comme ça. Et même à son petit stade, on peut faire plein de choses. Et ça fait, ça fait des petites choses qui font des grandes choses. Après cette place, il y avait un jardin. Il n'y a plus de jardin, mais il y a des trucs pour que les jeunes y jouent. C'est bien. Mais bon. J'aimerais bien, bon, c'est vrai que c'est l'hiver, il n'y a plus beaucoup de choses, mais j'aimerais bien que les jeunes y jouent, les enfants jouent, les jeunes jouent, c'est bien, mais un petit peu plus d'espace vert, un peu plus de vert. Voilà, on respire, de toute façon, s'il n'y a plus d'arbres, on ne respirera plus. On va respirer les pots d'échappement, nos cigarettes, je suis fumeuse aussi, hein, j'ai rien à dire. On va être tous tubards. Ou ce que tu veux, hein, tuberculose, ça revient. C'est une maladie qui revient, malheureusement. On va être tous asthmatiques et tout le merdier, nos enfants avec. Et puis, voilà, c'est l'environnement. Là, le travail, je m'excuse, jeune homme, mais il ne faut pas que les machines soient remplacées par des machines qui iraient par des machines. Mais ça, c'est le travail, c'est autre chose. L'environnement, là, aujourd'hui, c'est l'environnement. L'environnement, on a besoin de technologie, mais pas de pétrodollars qui nous font... faire n'importe quoi pour faire que du pognon. On a besoin de verre. Moi, j'aime bien Paris. Paris pour sortir, ouais, ok. Mais Paris respirer, j'aimerais bien aussi. Parce que les 4 jours qu'on a eu avec la pollution, tous les enfants malades, les bébés soignés avec les kinés là, pour enlever la merdouille, là, dommage. Parce que là, c'est vraiment dégueulasse ce qu'on a eu pendant 4 jours, là. Et pas que Paris, hein. Mais là, comme on est à Paris, je parle de Paris. Faut pas oublier l'environnement, c'est ça. C'est plus de vert pour que les arbres nous jettent de l'oxygène, pour que dans quelques années, là, 2050, on n'est pas à 50 degrés à l'ombre. Moi, je peux vous le dire, 50 degrés à l'ombre, ça tape. Et aucun blanc ici pourra survivre. Hein. Moi non plus. Je suis parisienne maintenant. On fait quoi? Après, la technologie, c'est quoi? C'est pouvoir trouver aussi quelque chose en technologie. Pour pas que justement le soleil nous brûle ou que l'eau reste chaude, parce que les Français ne savent plus, enfin les Français, le monde ne sait plus vivre sans eau froide, sans eau chaude, mais qu'ils ne peuvent pas se laver avec de l'eau froide, et pourtant c'est bon pour la peau. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on parle de l'environnement. Merci pour le petit rappel, il n'y a pas de souci. Alors je vais lui passer, ça fait vraiment longtemps qu'il attend, et je te passe la parole après. Tout à l'heure, je crois que tu as dit, Jérôme, je crois que tu as dit un truc très important. Tu as parlé qu'il faut changer d'état d'esprit. Et je pense que c'est le cœur de la question. Et le problème aujourd'hui, c'est vrai que l'écologie, dans l'état d'esprit collectif, au vu des résultats électoraux, c'est pas une priorité absolue. Et tout à l'heure, il avait été dit, quelqu'un avait parlé justement de cette question du rapport au travail et du fait que si on se libérait entre guillemets de l'emploi, on pourrait avoir du temps pour s'occuper de soi et pour s'occuper de son environnement. Et là, je pense qu'il a touché un point fondamental. Et sur ce thème, je vous conseille un livre qui est actuellement à la FNAC qui s'appelle « Sans emploi, conditions de l'homme postmoderne » de Raphaël Liogier, qui parle exactement de ce dont on parle là et qui explique que dans le projet des Lumières, il était question d'établir une citoyenneté universelle. Mais le citoyen était perçu dans l'idée du citoyen grec. Et le citoyen grec était un citoyen qui était libéré du travail, qui avait des esclaves, justement. Donc, il ne travaillait pas. Donc, il avait tout le temps pour faire de la politique, pour s'occuper de lui, etc. Et donc, à partir de là, ça revient à l'idée un peu que l'écologie, c'est un souci de riches. Hein, c'est ce qu'on appelle les bobos. Mais moi, je pense que ça, c'est un truc très important. Il faut s'y intéresser. C'est-à-dire que si on arrive effectivement à libérer entre guillemets les masses de l'emploi par un revenu d'existence, à ce moment-là, on peut imaginer une conversion massive d'un état d'esprit et d'un souci, où l'écologie deviendra un souci vraiment massif. Et donc ça, je crois que c'est très important. Et donc c'est pour ça que je pense que la question du revenu d'existence et la question de la fin de l'emploi sont liées justement à ce souci et à ce changement d'état d'esprit dont tu parlais tout à l'heure. Merci. Donc tiens. C'est très court, en fait, c'est juste pour dire que, bah, d'ailleurs ça permet de faire le lien avec ce que tu viens de dire. En fait, oui, pour reprendre ma définition de tout à l'heure, un environnement c'est un milieu où on vit et où tout à la fois on travaille, où on peut le faire les deux de manière autonome. Enfin, donc du coup, ça interroge tout de suite la question de la dépendance à la technologie, d'une part, et vivre en harmonie avec son environnement, c'est la définition de l'écologie, en fait, non ? Il me semble, c'est une définition de l'écologie, en soi. Vivre en harmonie avec son environnement sans s'étendre sur les autres territoires. Il me semble qu'on est en plein... Le sujet de l'écologie est étroitement lié à celui de la vie avec son environnement. Sans considérer... Oui, parce que j'entends bien que, dans le langage courant, quand on parle d'environnement, les gens pensent tout de suite à nature. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de ça. L'environnement, c'est pas la nature. L'environnement de l'homme, même dans ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire la campagne, c'est un environnement extrêmement transformé que l'homme a complètement asservi à ses besoins. Voilà. Bon, c'était juste deux, trois notions qui me semblent importantes. Et si ça vous semble important, c'est bien, et vous avez raison de le dire. Je vais juste lui passer la parole parce qu'il n'a pas encore parlé. Je le laisse répondre. Tiens, vas-y. Non, c'est une petite incise, c'est pour la question écologie, qu'est-ce que c'est ? Simplement étude du milieu et de l'être vivant qui est dessus, donc c'est le rapport biotope. Biocénose. Mais on n'est pas sur est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un ordre. Non, c'est l'étude de ça simplement, les rapports qui existent entre le biotope et la biocénose. C'est tout. Voilà. Attends Ulysse, il n'a pas encore parlé, donc il va parler et après tu pourras parler. Oula, merci. Oui, je trouve qu'on a bien avancé sur la question de l'environnement. Dans la société qu'on veut. Alors moi, j'ai essayé d'apporter ma petite contribution. Je dirais que l'environnement dans la société qu'on veut, comme on l'a dit, l'environnement, ça concerne tout. Ça concerne l'air qu'on respire, ça concerne l'eau qu'on boit, qu'on utilise pour se laver et autres. Ça concerne aussi le travail, ça concerne les conditions de travail, ça concerne les gens, toutes les questions sociales. Je crois la société, les gens qu'on a autour de nous. La question de l'environnement à société qu'on veut, je dirais que par exemple il y aurait un mot qui aurait disparu, ce serait le mot de pollution. Voilà, je pense qu'on parlerait plus de pollution, que ce soit pollution de l'air, pollution des eaux, pollution sonore, pollution et autres, ça n'existerait plus. Et je pense que une fois de plus, je reparlerai d'éducation. Dans la société idéale, quoi, que moi je voudrais, on éduquerait les enfants à être beaucoup plus sensibles à leur environnement et à se poser des questions, à essayer d'être toujours en contact avec l'environnement, avec ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire la propreté, comment est-ce qu'ils interagissent avec les gens, c'est-à-dire toujours s'assurer que dans leur interaction, la façon dont ils se comportent, eh bien, qu'il y ait une certaine harmonie qui soit créée avec les autres personnes, les autres êtres vivants qu'ils ont autour d'eux. C'est-à-dire, ça peut être des êtres humains, mais ça peut être aussi les oiseaux, ça peut être les arbres, ça peut être un peu tout ça. Voilà, je pense que... je voulais parler de ça et aussi là, j'aurais pu parler de la question de l'eau, la question de l'agriculture. Je crois qu'on n'a pas assez parlé de la question de l'agriculture, la question de l'homme sur ce que certains appellent la nature. Mais je pense que déjà ce serait intéressant de discuter, si on parle d'environnement, de qu'est-ce que c'est que la nature, comment on conçoit la nature du point de vue humain. Ce serait je pense qu'il y aurait une toute autre conception de la nature et de la place de l'homme dans cet environnement qu'on appelle actuellement la nature. Merci. Alors, il a une question. Il a une question pour toi. C'est une petite. Il m'a demandé avant de pouvoir la poser. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Donc tu es intervenu pour définir l'écologie et tu as parlé de biotope et de biocellulose, c'est ça? Donc je voudrais que tu définisses les termes parce que là je comprends pas. Voilà. Monsieur Ulysse. Donc la question c'est que. Le monsieur a défini tout à l'heure l'écologie, il a parlé de biotope et de biocellulose, et je ne comprends pas les termes, donc je voulais qu'il m'explique le monsieur ce qu'il entendait par là. Non, c'est le monsieur qui va expliquer. C'est pas toi, Ulysse. Tu vas pouvoir parler après, t'inquiète pas. Non, mais extrêmement brièvement, biotope, c'est le lieu même de la vie. Et biocénose, c'est précisément ce qui vit dessus et les relations qu'il y a entre eux. L'écologie, c'est ça, sur un aspect de science, en disant qu'est-ce que tu dis l'écologie. L'écologie étudie ça. Après, tout ce qu'on imagine de, j'ai envie de dire, écologie politique, etc., c'est-à-dire notre réflexion à nous sur l'écologie, c'est autre chose. Voilà, simplement. C'est ça. C'est, voilà. Pour dire... Voilà, oui, non, mais ça va, voilà, c'est tout, voilà. Non, juste une chose, parce que comme j'entendais sur pollution, c'est pareil, c'est-à-dire que je me dis, ouais, mais à quel point de vue n'importe quel être vivant, je sais pas, un perroquet, alors prenons un éléphant, quand on voit ce que ça bouffe en herbe ou etc., un éléphant, voilà, l'impact... de tous ces animaux, du vivant lui-même sur, justement, le milieu, c'est toujours énorme. En fait, c'est un truc qui est pas... C'est pas rentable, en un mot. C'est pas rentable. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a un emprunt formidable à ce qui est déjà là, tout le temps, par tout ce qui est vivant. Et plus les animaux sont élaborés, plus, en fait, ils font ça. C'est pour ça que... Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas tout à fait d'accord pour qu'on fasse autant de vaches et ceci. Les vaches, il n'y a pas plus sympa qu'une vache. Mais franchement, mais oui. Et des Chinois, voilà, c'est associé à la terre. Elle est paisible, elle porte et c'est là sa grandeur. Bon, très bien, à la bonne heure. Mais il y en a trop. Et il y a trop de produits laitiers, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Donc ça, voilà, ça, on peut se calmer avec ça aussi. Si on comprend... par l'écologie, qu'effectivement, ces animaux-là ne sont pas faits pour être en surnombre. Donc, voilà, ce sont des petits éléments comme ça. Mais sinon, pour la pollution, oui, ça me fait penser, en partie, hein, je sais que ce n'est pas ton propos, mais quand on va dire une plante, les mauvaises herbes, voilà, c'est aussi un point de vue de l'homme. Quand tu dis oui, mais on va regarder à partir du point de vue de l'homme, mais on n'a pas arrêté de regarder à partir de l'homme qui en plus se sentait tellement fier qu'il dit oui, mais nous, il y a nous et il y a la nature, comme s'il n'en faisait pas partie. Et donc, cette histoire de mauvaises herbes, tout ce qu'on veut, nos champignons même qui bouffent des métaux lourds, etc., on ne sait pas. Tout ça pour dire qu'on ne sait pas toujours le bien qu'on peut obtenir de tous ces éléments-là. Donc, c'est une précaution. Ça ne veut pas dire, ouais, il faut tout garder. C'est une précaution. C'est difficile de savoir ce qui va être engendré, y compris même si on fait cette caricature de « oui, à quoi ça sert, on envoie des hommes dans l'espace, ceci, cela ». Mais tous les mecs qui sont avec leur portable, ils pensent que c'est quoi ? C'est bien parce qu'il y a des satellites, qu'en fait tout ça est possible. Entre les GPS, les CIS et ça, c'est bien parce qu'il y a des satellites. Donc voilà, alors est-ce qu'il fallait le faire, est-ce qu'il fallait pas le faire ? Toujours est-il, on y est. Alors puisqu'on y est, comment on continue ou pas ? Avec plus de critiques, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais revenir au chasseur-cueilleur de notre copain qui disait ça, en disant oui, dans ce cas-là, c'est ça. Non, non, on a plus de techniques, quand bien même il y aurait ça. On a de toute façon plus de techniques et plus d'inventions. Les corbeaux aussi. Les corbeaux aussi savent inventer des outils. Merci. Donc, il voulait un peu expliquer ce que c'était biotope et biocellulose. En fait, en gros, un truc simple, c'est je vais prendre par rapport aux vaches. Dans biotope, hein, ça va être dans ta vache, dans ton environnement, comment par exemple va se passer la digestion. Et biocénose, en fait, c'est comment, avec entre tes bactéries, tes champignons qu'il y a dans la vache, comment ça va se mêler pour que ton herbe va se dégrader, qu'elle puisse digérer la substance, que ça puisse apporter du lipide, des glucides et des protéines. En fait, c'est ça. Gros, la biocénose, c'est comment les choses interagissent pour que ta digestion se passe et que ça dégrade, et le biotope c'est l'ensemble de tout ça, en gros. Ok, merci. Donc je me rappelle plus des tours de parole. Alors tu voulais dire un truc, ça va pas être trop long, hein. Non, j'essaie d'être très très court. C'est pour Khaled. Bon, voilà, bonjour. Parce que tout à l'heure, bon, c'est bouché les oreilles, et tout à l'heure j'avais mal compris parce que j'étais à côté de lui, hein. Voilà, c'est tout. Une chose. Deuxièmement, il y a mal entendu dans les termes. Quand j'ai dit travail, hein, évidemment que le travail répétitif, etc., tout ça, c'est mauvais et il faut l'éviter. Ça va de soi. Je voulais parler de l'effort. Ne pas renoncer à l'effort qui implique l'utilisation du cerveau, des mains et de l'ensemble. Et quand je parle de travail, je parle de la relation entre hommes. Hein, l'activité en commun. Voilà. C'est fondamental. Si tu veux renoncer à ça, je vois que tu préfères être. Je préfère être sous les ordres d'un patron, sous les ordres d'un patron, que sous les ordres d'un automate. C'est l'avenir que tu t'attends. Voilà, merci. Merci pour ton témoignage. C'est toi, hein, qui... C'était ton tour. Est-ce qu'il est prévu que cet atelier termine à 17h, c'est ça ? Non ou pas, ou je dis des bêtises? Oui, donc il nous reste une sorte de quasiment d'un tour de chauffe de conclusion, un tour de parole de conclusion sur l'atelier ou pas? Une demi-heure, pardon. Alors je dis, excusez-moi, non, c'était pour dire que après à 17h, on fait une réunion de travail sur le banquet du 18, le banquet des, moi je l'appelle le banquier des réfugiés, la fête de la dignité, le week-end prochain. Donc ça peut intéresser pas mal de gens, y compris de nos participants habituels. Et donc pour revenir au sujet de ton atelier, Jérôme, tu as eu une vision tout à l'heure. Tu as dit, moi tel que je le sens, tu as laissé parler ton imaginaire, tel que je le sens, quoi qu'on fasse, il va y avoir les gens qui vont vivre en dehors de la technologie et puis ceux qui vont vivre dans des genres, des cités hyper connectées avec un système économique, je ne sais pas comment il aura perduré, et puis ceux qui vivront... Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on y est déjà. On y est déjà puisqu'il y a ceux qui poussent des caddies sous les périphériques, qui vivent sans carte bleue, qui soient roms, français ou autre chose, qui vivent sans donc tout ce qui nous on appelle les acquis sociaux notamment, qui vivent sans toute cette paperasserie-là des acquis sociaux et qui effectivement sont parfois mal soignés. Quand il s'agit d'avoir recours à un laser, là ça coûte cher. Par contre pour le reste, bon, ça change pas forcément la vie quotidienne. Donc juste pour dire cette vision-là que tu as eue entre des cités hyper connectées parce qui seront habitées par des technophiles, des gens qui actuellement misent à fond sur la technologie, puis de l'autre côté, c'est j'ai fini, il y a le mot à retenir pour moi sur l'avenir qu'on veut, l'environnement qu'on veut, j'ai besoin du mot éco-village. Parce que déjà aujourd'hui et depuis longtemps, des gens s'organisent en éco-hameau, éco-village, éco-quartier dans des villes, hein, je parle plutôt des villes du Nord, là, où ils sont en avance, éco-quartier, puis éco-ville, puisqu'il y a des villes qui sont modèles, qui sont entièrement bio, etc., dans leur cantine, enfin, quel que soit là où ils en sont, il y a plein de villes qui avancent, c'est pour ça qu'on aurait tort d'être pessimiste. Mais oui, par contre, là, ta vision, elle fait un peu peur, mais ça va être ça. J'ai l'impression que ça va arriver comme ça. Pardon, il y a quelqu'un juste à côté là. Ouais, moi je voulais participer rapidement et je vais ma question, enfin, c'est pas une question que je vais participer, mais elle va paraître super basique, mais je peux pas faire mieux que ça. Mais en fait, ouais, voilà, enfin, le travail, il y a une notion, le travail, je pense que c'est toujours bien de travailler, hein, quand c'est bon pour soi et bon pour les autres, et nourrir la planète aussi. Enfin, je sais pas, ça me paraît aussi une donnée importante. Et comment concilier, ben, même les technologies, je veux dire, aujourd'hui, si on mange tous à travers le monde, même si on mange mal, il me semble que c'est aussi grâce aux technologies, quoi. Quand on sait que la Chine, elle rachète aujourd'hui quasiment des terres pour pouvoir justement préparer son avenir au niveau du riz, enfin, ce genre de problème-là, comment vous, enfin, ça vous paraît, j'ai pas envie d'être fataliste, quoi, mais c'est pas déjà mort, quoi, tout simplement. Moi, personnellement, je te dirais que c'est toi qui choisis. Tu choisis de te dire que plus tard c'est déjà mort ou que ça ne l'est pas, en fait. Parce que de toute façon, toi, tu vas mourir et puis après, tu ne sauras pas. Donc, enfin, c'est dans ma vision des choses, c'est comme ça, tu vois. Donc tu t'essayes de faire le mieux que tu peux, quoi. Mais ouais, donc, c'était à toi. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, j'ai déjà à peu près répondu, mais je sais pas, peut-être que tu veux répondre. Le mécanisme que tu décris, c'est tout à fait celui qu'on connaît actuellement. Mais en fait, l'enjeu écologique actuel, l'enjeu environnemental, c'est pas de sauver la planète non plus, puisque de toute façon, comme il a déjà été dit, elle va survivre. C'est de sauver l'environnement dans lequel l'être humain était capable de vivre. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de détruire le biotope dans lequel on est capable de vivre. Et donc, bah là, faut trouver une solution. Une fois qu'il ne sera plus viable pour l'être humain, à part vivre dans des cités en bouteille, je vois pas ce qu'on pourra faire. Il faudrait bien trouver une solution autrement. Donc, effectivement, il y a un mécanisme qui est en cours, qui paraît inéluctable, et ben pourtant, va falloir qu'on trouve une solution. Tu voulais intervenir, hein. Tu voulais aussi. Donc alors ça. Ah, tu voulais aussi intervenir. Non, c'est bon. Alors, donc ce sera toi et après toi. Donc rapidement, pour revenir sur le travail avec Ulysse là. Le choix, c'est soit être sous le joug d'un patron ou le joug d'une machine. Ben non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je parle au travail à la chaîne, c'est pareil. La machine, elle doit pas. C'est pas l'homme au service de la machine, c'est la machine au service de l'homme. Voilà. Et certainement pas au service d'un patron, parce que c'est pareil. Le patron, c'est le petit dictateur qui te fait travailler et avec la peur au ventre d'être au chômage, hein, t'as l'épée de Damoclès qui te pèse sur la tête, voilà quoi. Donc non, il faut que tout ça ce soit au service du peuple. Il faut de la démocratie, tout simplement de la démocratie en usine, au niveau du travail, comme ça le patron tu le dégages, ça tourne. Faut pas que ce soit toujours la même personne qui te commande, etc. Et pour la machine, elle doit être au service de l'homme, c'est pareil. C'est pas l'homme au service de la machine. Bon, voilà. Ça c'était, mais bon, moi c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Je voulais intervenir sur une chose qui est importante à propos de l'environnement, c'est le nombre de personnes qu'il y a sur la planète, quoi. Il y a un moment donné, si on voudrait tous vivre bien, il faudrait qu'on soit tous classe moyenne. Le problème, c'est que si on était tous classe moyenne, eh ben, la planète, elle serait morte, hein. Elle serait bousillée au niveau de la consommation, parce que là ça fonctionne, parce qu'on n'est pas tous classe moyenne, hein. C'est pour ça que la planète, elle tient encore. Donc là, le problème, c'est qu'on est 7 milliards et pour que ce soit viable, il faudrait qu'on soit 2 milliards. Il faudra redescendre, justement, pour que les animaux puissent vivre. Bah oui, mais si, les espèces disparaissent en ce moment. La planète, elle est en train d'être complètement bousillée. Là. On est dans un truc de consommation. Si on voulait avoir que chacun puisse avoir une vie normale, c'est-à-dire, voilà, pourquoi il y aurait des Chinois qui galéreraient ou des... Voilà, qu'on soit tous classe moyenne sur la planète, et ben voilà, il faudrait être malthusien, je suis désolé. Il y a un moment donné... C'est pas que les vaches ou je ne sais quoi, c'est les humains. Quand il y a trop d'humains, bah, y a un moment donné, la planète, elle supporte plus, c'est normal, c'est logique. Il y a un truc logique. Si on est 15 milliards, 20 milliards, 50 milliards, bah, y a un moment donné, avec la consommation et tout, on veut tous avoir une petite maison, on veut tous consommer. Même si on consomme de façon éthique, etc., sans polluer, etc., il y a un moment donné, on fait quand même des déchets. C'est impressionnant, tous les déchets que les gens y font. Et bien, il y a un moment donné, il va falloir penser à être malthusien, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle de la population, je ne sais pas comment. Les Chinois ont commencé déjà un peu. Mais bon, voilà, la planète, à un moment donné, elle ne supportera pas. De toute façon, elle ne supportera pas si on est trop nombreux. Voilà. C'était juste, je voulais faire à propos de l'environnement aussi, Si on est trop sur la terre, ben, l'environnement, il n'y en a plus, quoi. Là, les girafes, j'ai appris dernièrement que les girafes étaient menacées. Par exemple, bientôt, les girafes, ben, on en verra que des photos ou des vidéos, parce qu'il n'y en aura plus sur la planète, etc. etc. Pourquoi ? Ben, parce que les humains, ils ont besoin de terrain, etc. Et donc, à un moment donné, ben, c'est, les animaux, ils disparaissent. Voilà, c'est, voilà. Dans quel environnement on veut vivre ? Est-ce que c'est comme dans le film Soleil Vert, où il n'y a plus que des humains, et on regarde la nature en vidéo et on mange voilà, le fameux soleil vert. Voilà, c'était une remarque sur aussi la croissance de la population qui est voilà, comme le disait Malthus, hein, qui est géométrique, alors que le reste est, voilà, il y a un moment donné, voilà quoi. Je pense qu'il faut penser aussi que la population elle peut pas croître voilà, de façon géométrique éternellement, parce que la planète elle supportera pas. Ok. Merci pour ton avis. Donc Ulysse veut te répondre et Camille veut te répondre aussi. Et moi, juste te dirais comme ça que le chômage, t'inquiète pas, il y en a, ça leur fait pas peur. C'est pas tout le monde qui a très peur d'être au chômage. Ça, faut pas. Je pense que ça, c'est une mauvaise idée de penser comme ça. Il y en a plein, ils kiffent être au chômage, ils font le tour du monde au chômage, ils sont bien. T'inquiète pas. Bah ouais, mais toi, c'est un exemple aussi ce que tu dis. Écoute, Khaled, malheureusement, je ne sais pas ce que ça sera les futurs, ni les miens ni les tiens. Mais concernant les patrons, je préfère avoir vis-à-vis, en face de moi, un patron horrible, esclavagiste, qu'un autre qui se cache derrière une machine, un automate. Voilà. Est-ce que tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Hein? Alors, l'effet c'est que les patrons auront toujours les machines et le peuple sera toujours un esclave avec cette mentalité-là. Allez, oh, ok. Donc là, ça part en débat entre vous deux, on va arrêter parce que ça sert à rien en fait. Vous le ferez tous les deux et il y a juste Camille qui voulait te répondre vite fait, Khaled. En débat, sauf s'il tient absolument. Vous parlez entre vous. Oui, pardon, excusez-moi, je suis parfois stupéfait par l'espèce humaine, moi dedans. Hein. Oui, qu'est-ce que je voulais répondre à Khaled qui nous tourne le dos oui, parce que c'est vachement fort ce qu'il a dit, en gros, et on est tous conscients qu'il y a peut-être un problème de surnombre sur la planète, puisque l'espace semble se réduire. Et puis surtout, il a dit, ouais, parce qu'on veut tous, d'abord, il a dit, on a peur du chômage. C'est vrai que c'est, heureusement, c'est pas tout le monde, mais il a quand même raison, massivement, là, les gens ont peur de ça. Et puis, on veut tous une maison, en gros, une maison. Et par maison, il n'a pas précisé, on entend maison avec le robinet, le machin, l'eau chaude, enfin toute la maison est énergivore qu'on connaît. Et effectivement, c'est pas ce côté classe moyenne pour tout le monde, c'est pas soutenable comme ils disent les anglo-saxons. Donc j'ai envie de lui répondre, mais c'est pas à lui que je réponds puisque c'est vous qui m'écoutez, que ça dépend, en fait, il suffirait qu'on arrive à changer notre rêve, parce qu'une maison ça n'est rien d'autre qu'un rêve, qu'on arrive à changer notre rêve collectif, et là ça se passe à la télévision, dans l'audiovisuel en général. Et donc ça dépend encore une fois des six structures capitalistes, enfin j'aime pas parler comme une sorte de marxiste que je suis pas, mais des structures capitalistiques de la société, ça veut dire qui appartient, quoi appartient à qui, et donc toute l'économie à chaque fois ça nous ramène à l'écologie, enfin plutôt l'écologie nous ramène à l'économie puisque c'est les règles de l'économie qui font qu'on saccage ou pas la planète. Donc j'ai fini, je résume en disant si on veut éviter le malthusianisme qui consisterait à non seulement limiter nos naissances, mais peut-être à tuer les gens qui gênent, puisque c'est ça le problème avec quand on a fait le constat qu'on est trop nombreux, c'est qu'il y a peut-être des gens, faut ou les stériliser comme ça, qu'ils ont fait, hein, qu'on fait encore, et qu'on fait pas seulement les nazis. Au Pérou et ailleurs, on a stérilisé des populations indigènes entières avec des procédés ignobles. Mais donc il y a quand même quelque chose à faire avec la contraception, y compris la phytocontraception. Bruno, la phytocontraception, tu connais ? On parlait des plantes dépolluantes, les plantes qu'on peut utiliser. Donc la phytocontraception, les savoirs indigènes, pardon, je fais un petit détour, mais je reviens à l'essentiel. Si on change notre rêve, y compris notre rêve d'habitat, eh ben on va peut-être éviter d'avoir à tuer ceux qui seraient en trop. Merci, merci pour ton témoignage. Alors il y a Adèle qui veut parler. Ça fait longtemps que tu attends. Je me rappelle plus si tu veux dire quelque chose. Non, pas encore. Donc on va faire là, et après ce sera toi. Merci. Alors, je voulais répondre aussi à la question, est-ce que c'est mort ? Ça veut dire, c'est quoi le CCD ? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Parce que... D'accord. Alors, parce que du coup, j'ai envie de répondre, pas de façon exhaustive, bien sûr, mais... Voilà, non, mais surtout, il y a des choses, en effet, qui sont mortes, voilà, qui ne reviendront pas. Je pense qu'il faut aussi arrêter de se dire, ah oui, mais il y a ça qui est perdu, comment est-ce qu'on peut faire pour le faire revenir? Non, de toute façon, tout change tout le temps, se recréer. Par contre, c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, il faut quand même penser la préservation de ce qui existe. Donc, il y a une limite entre penser, il y a des choses qui sont mortes, en effet, bon, bah, elles ne reviendront pas. Aussi, laisser la possibilité justement à la nature de produire de nouvelles choses et faire en sorte de préserver ce qui est déjà. Mais il y a d'autres choses qui vont mourir, nous les premiers, comme disait Jérôme, on va tous mourir prochainement. Et c'est pour ça que je disais, c'est quoi le CCD, quoi. Et l'autre truc, c'était pour répondre sur le contrôle de la population. Et il me semble que peut-être qu'on pourrait le penser différemment, c'est-à-dire en question d'espace. Que l'homme peut occuper des espaces, mais qu'il doit se limiter dans les espaces qu'il occupe, et qu'il y a des espaces qui doivent être non occupés par l'homme. Et donc, moi, je reste optimiste, comme très souvent, en pensant que l'homme, de toute façon, s'auto-régule, comme on le voit d'ailleurs dans nos sociétés, où on s'auto-régule. Et donc, j'ai un petit peu l'idée que on n'y arrivera pas à une politique qui, pour moi, sera... J'imagine même pas comment ça pourrait se passer, qui limiterait justement le nombre de naissances ou autre. Enfin, ça me semble une force qui rentrera dans des idéologies, dans des choses absolument terribles. Donc, à moins que ça puisse être fait différemment, je ne sais pas. Mais là aussi, ça passe par l'éducation. Enfin, voilà, l'autorégulation, encore une fois, produire. Il y a aussi produire des enfants pour la nation. On n'est plus trop là-dedans, mais ça reste quand même dans certaines familles. Enfin, voilà, il y a des trucs là-dessus. Si les gens en sortent de tout ça... Je pense que la production humaine, donc d'être humain, changera aussi. Si on pense en termes d'espace. Du coup, est-ce que tu veux répondre tu veux, parce que elle t'a quand même un petit peu posé une question, donc. Tu veux répondre ou pas? Moi, c'était aussi, comment on va, enfin, encore du truc très basique, quoi. Toujours sur l'environnement, le travail et la nourriture, je veux dire. Tu vas à Leader Price, t'as 10 steaks hachés pour 4€, quoi. Donc on tient aussi les gens parce que les gens, il leur faut une tablette, mais aussi on tient aussi les gens parce que les gens, bah faut qu'ils mangent, quoi. Et à un moment donné, t'as pas le choix, quoi. Demain, t'as une pension alimentaire à payer, ou ceci, ou cela, faut que tu te lèves, faut que tu travailles, quoi. La philosophie, je veux pas, c'est mort, quoi, pour le coup, là. Faut que tu te lèves et faut que tu y ailles, quoi. Et faut un steak caché et des pâtes. Donc, voilà, quoi. Enfin, il y avait une opposition radicale pour ce que tu disais, Adèle, donc tu peux le dire, vas-y. Donc, alors je suis un peu perdu, après, vous allez relever la main ceux qui veulent parler, parce que... Bah, je m'inscris complètement en faux sur ce que tu viens de dire, Adèle, c'est que tu dis que l'homme, il s'autorégule, mais non, justement pas, c'est ça le problème. C'est que l'homme, il s'autorégule pas du tout, justement, c'est ça le problème. C'est que l'homme, il... Mais même pour faire des enfants, ils ne s'autorégulent pas du tout. Regarde les religions, regarde tous les gens qui sont croyants ici. Tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir. Hein. D'ailleurs, c'est des histoires de croyances. Hein. Tu lis l'Ancien Testament, monsieur, croissez et multipliez-vous. Voilà, c'est ça. Ça me revient. Voilà. Et voilà. Mais c'est pas que ça. Les gens, tu les choques quand tu leur dis ça. Mais bon, les Chinois, ils ont compris. Hein. Ils ont limité les gens à une naissance parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il y avait un gros problème. Et là, tu penses que les gens, ils vont s'auto... Toi, tu dis, si c'est une question d'espace, tu crois que les gens, ils vont rester dans un espace sans... Mais non, dans l'espace, ils pourront pas tenir, les gens, s'ils continuent à se multiplier. C'est pareil. Il y a un moment donné, il faudra y penser au contrôle des naissances. Parce que la planète, elle va pas tenir. Elle tiendra pas. C'est une évidence. Mais ça, les gens, ils arrivent pas à le comprendre. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gens ils arrivent pas à comprendre ça. C'est pourtant simple. Il y a un moment donné, si on est des milliards et qu'on consomme, eh ben on bousille tout. C'est évident. C'est évident. Et c'est évident qu'on veut tous bien vivre. On veut tous, voilà, etc. Donc voilà quoi. Il y a un moment donné, bah la population, si elle est trop nombreuse, elle consomme, elle a des déchets. Chaque personne produit des déchets. Même si on arrivait à une super agriculture, à une bonne agriculture, permaculture, tout ce que tu veux, avec des consommations éthiques, où on n'aurait plus de l'obsolescence programmée, etc., etc. Et ben on produit des déchets quoi. Et on consomme et on a tous envie de, on a tous envie d'avoir un petit pavillon plutôt que de vivre dans un HLM, etc., etc. On a tous envie d'avoir une vie pas trop mal, etc. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et à un moment donné, quand il y a trop de monde, et ben voilà, la planète, elle supporte plus. Enfin bon, je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire. Alors, on va reprendre les tours de parole. Tu voulais répondre à quelqu'un, c'est ça? Voilà. Ensuite, donc, il y avait. Je vais prendre comme ça. Donc, toi, tu avais levé la main. C'est vous trois, en fait. Toi aussi, tu veux parler? Bah, ce sera après. Toi aussi? Wow. Donc là, il y a 5 tours de parole. Donc, désolé, mais soyez patients. On fait tourner la parole. Et ceux qui n'ont pas encore participé, vous pouvez. Je rappelle que c'est l'atelier Debout Éducation Populaire et qu'aujourd'hui, on parle de l'environnement. Dans quelle société veut-on et quel environnement veut-on dans la société qu'on veut? Oula, c'était pas facile ça. Je vais être très court parce que donc 1, 2, 3, 4 et plein de gens qui ont quelque chose à dire. Mais je réponds quand même à ce que tu disais à l'instant, Mohamed. Toi tu dis oui mais tout le monde veut un pavillon. Bon, ça peut faire une discussion plus ou moins longue, mais c'est vrai. Parce que c'est pas tout le monde. Et puis toi, tu dis, ouais, mais il y a des gens qui ont des enfants à nourrir et donc ils doivent se lever tout de suite pour aller bosser tout de suite parce que les steaks hachés, c'est tout de suite. Ou même si on est végétarien, les steaks hachés à combien? À 4,10€. 4€ les 10 steaks hachés. Et puis si tu achètes, tu manges que du végétal, ça sera quand même à acheter. Donc, merde, du coup, je sais plus pourquoi je... Ah oui, là aussi, ça semble une fatalité. Moi, j'ai vécu avec le RSA pendant une certaine période. J'ai donc eu 450€ par mois. Et j'ai constaté qu'ayant très peu de désirs, très peu de besoins matériels, à part mes enfants, et c'est là effectivement que ça a été très dur. Mais s'il n'y avait pas eu les enfants, 450€, franchement, bon, bien sûr, tout le monde dira, plein de gens pour vous dire, on ne vit pas avec ça. Moi, j'ai vécu avec ça et longtemps. J'étais en bonne santé, sinon ça aurait été compliqué. Voilà, on est nombreux à l'avoir expérimenté. Avec un loyer, l'APL, tout ça, il y en a qui arrivent. Mais c'est vrai que c'est en vivant d'une manière qui est très économe et donc écolo à peu près. Peu importe. Non, mais je suis en train de lui répondre à lui et je veux te passer la parole vite à quelqu'un d'autre. Mais c'est important cette histoire d'argent parce qu'en fait, il y a le choix même là. C'est-à-dire même là, quelqu'un qui se dit, depuis moi à 20 ans, j'ai pas tout à fait fait ce que je... Comme j'aurais dû, j'ai eu des échecs, mais à 20 ans, je savais déjà que je voulais pas vivre ni dans un pavillon, ni en achetant des steaks hachés, quel que soit le prix, ni des steaks végétaux, parce que je voulais pas aller au supermarché. Mais c'est très compliqué de sortir de la société de consommation, à moins de naître dans un éco-village. Il y en a qui ont cette chance-là. Donc on y arrive peu à peu, et sur la place de la République, à mon avis, au printemps, en tout cas ce que je porte là dans l'organisation Nuit Debout, c'est ce mot-là d'éco-village, parce que c'est une suite logique pour ceux qui veulent sortir de steak haché à 4€ et qui s'y sentent prisonniers. Merci pour ta contribution. Donc je vais passer la parole à madame et après à toi, après à monsieur. On va faire comme ça. Je sais plus en fait qui a levé la main en premier, je suis désolé. Moi ce que je voulais dire en fait par rapport à ce que j'ai entendu, on est dans une vie où on vit plus souvent centenaire, de plus en plus centenaire. Hein, donc c'est comme ça. Avant, dans le temps, on avait des parents qui vivaient vieux. On les gardait à la maison, on les mettait pas dehors. Moi personnellement, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Je me suis retrouvée à la rue, SDF. Mais je me suis battue, j'ai remonté, je m'étais dans mon appartement. L'environnement, c'est aussi regarder les gens autour de soi. Là, j'ai pris 2 SDF à la maison. Voilà. Non, c'est pas pour... non, mais j'ai eu peur. Non, oui, j'ai eu peur. Mais j'ai dit, bon, voilà, j'aurais bien voulu qu'on me le fasse, moi, il y a quelques années. Je l'ai fait. Et je leur demande rien parce que d'abord, il faut d'abord qu'ils s'en ressortent. Et parce qu'il faut 3 mois pour avoir le RSA sur la commune. Sinon, vous n'avez rien. Il y en a qui vivent vraiment avec rien. Et puis, l'environnement, donc, c'est le respect. C'est l'égalité. C'est vivre avec ce qu'on a. Et puis, je sais pas, moi, un téléphone classique, c'est bien. Pas besoin d'un téléphone, machin. Je sais pas, c'est ça l'environnement. C'est ce que j'entends. Après, la technologie, pour aider les gens, comme le monsieur qui a travaillé, ouais, je suis d'accord. Mais la technologie qui fait faire perdre les emplois, je suis pas d'accord. Parce que maintenant, le problème, c'est qu'il y a des machines qui réparent les machines. Même ça, il ne peut plus le faire, la maintenance. Et ça, moi, je trouve ça dégueulasse de voir tous les gens là. Parce que sans boulot, on n'a pas d'argent. Dans ce cas-là, il faudrait un monde où il y aurait le système d'échange ça existait il y a un temps. C'est-à-dire, je te donne du riz, tu me donnes du lait, je te donne de la viande, je te donne du bois. Ça existait. Et pas d'argent. C'était du don. Tu donnes, moi je te donne. Mais voilà, c'est le respect, c'est le don, mais c'est bien d'en parler, mais je ne sais pas si on peut y arriver ou re-y arriver. Ça existait, nos ancêtres l'ont fait. Ça existe encore dans des coins reculés du Massif Central, ce genre de société. Ça existe encore. Il avait été question au départ de ne pas différencier la nature et l'homme. Et moi, je pense que quelque part, la nature peut réunir les hommes. Je pense à la formule de Pascal qui disait « L'homme est un roseau pensant ». On pourrait très bien considérer que finalement, les humains sont de la nature pensante et qu'on est de la matière pensante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. À partir de là, je pense aussi que sur la question de l'environnement, ça passe. Donc c'est aussi un problème universel, en fait, qui dépasse l'échelle de Paris ou de la France. Et que ça aussi, ça interroge aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui, de mon point de vue, doivent être réécrites en fonction du nouveau paradigme dans lequel on rentre actuellement. Et je pense, par exemple, à l'article 2 qui dit que les distinctions sociales doivent être fondées sur l'utilité du bien commun. Alors ça, justement, faut traduire, en fait, faut dire que ça veut dire que les inégalités sociales sont légitimes en fonction qu'on soit plus ou moins utile au bien commun. Ce qui veut dire, en fait, dans l'idée de justice utilitariste et de ce qu'on appelle l'économie bourgeoise, ça veut dire qu'on est utile au marché. Mais comme on l'a dit jusqu'à maintenant, la robotisation, etc., va faire en sorte qu'il y aura de moins en moins d'emplois, donc l'homme va être, d'une certaine façon, de moins en moins utile à la société. C'est pour ça qu'on dit, bon, y a plus en plus de chômeurs et on a un sentiment d'inutilité, on sert à rien. Et donc, du coup, à partir de là, je pense que justement, il faut que l'homme réapprenne à accepter qu'il est pas utile et que pour cette raison, ben voilà. Enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oui, dernière idée sur la question de l'utilité. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans les points que vous avez cités au départ, il y avait des questions des projets utiles et inutiles au niveau de l'économie. Et Raphaël Logier propose justement une TVA qui permette justement de taxer les projets inutiles et de subventionner, de faire une TVA négative sur les projets utiles. Par exemple, quand on pense à ces centres commerciaux qui se construisent avec des pistes de ski à l'intérieur, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement, on pourrait faire un pilotage justement, fiscal pour amorcer la transition écologique. Ouais, tu parles de Europa City, c'est ça, hein. Ça, hein, ouais. Donc, il voulait parler. Après, je te passe la parole. Ça te va? Bon, ça fait bien longtemps qu'il a levé la main, je crois. Enfin, toi aussi, je crois aussi, mais. Voilà, c'est un peu long, les gens y parlent, mais c'est bien, au moins on fait tourner la parole, donc voilà, c'est bien, vas-y. Oui, sur l'aspect malthusien, même si de toute façon ça reste absolument une bonne idée, diminuer et de comprendre aussi pourquoi dans certains endroits des gens font autant d'enfants, parce que eux-mêmes ils sont contraints dans l'idée de eux, ils vont pouvoir tout de suite travailler la terre et etc etc. Enfin bon, il y a des logiques qui sont comme ça, il y a des logiques qui sont prises. C'est pour ça que le monde du travail n'est pas du tout une autre histoire que le monde de l'environnement. Il impacte là-dessus et tu le rappelais suffisamment parce que plusieurs fois tu as parlé d'obsolescence programmée. Donc il y a aussi pire que ça, c'est-à-dire que on demande à des gens de travailler beaucoup plus vite en faisant beaucoup plus de pièces de vêtements qui seront après détruites parce qu'elles sont invendues et que les grandes marques ne veulent pas reconnaître que justement elles les ont pas vendues. Donc voilà, donc ça c'est un mépris total en plus de ce qui est fait, c'est-à-dire que des personnes sont forcées à faire quelque chose et en même temps il n'y a même pas de durée de ce travail, du produit de ce travail, voilà, peu importe. Simplement sur l'histoire malthusienne, il faut rappeler juste comme ça que en fait nous produisons pour nourrir au moins 12 milliards d'individus, mais tout le monde ne mange pas. Voilà, donc nous sommes que 7 milliards, ça laissait une petite marge de manœuvre, c'est dire si la redistribution ne se fait pas. Donc simplement pour dire que je ne parle pas de solution, hein, je dis simplement que c'est pour donner des proportions. C'est pour donner des proportions. Ça sert à ça. Ça sert à dire, tiens, si on prend ce problème-là, si on prend celui-là, celui-là, en fait, on ne peut pas s'amuser à exclure du champ de la réflexion, que ce soit le travail, que ce soit l'effort, que ce soit le revenu de base, que ce... parce que tout ça peut participer à créer un faisceau en fait de solutions qui se tiennent les unes des autres par rapport à un faisceau de petits problèmes qu'on connaît qui nous mettent dans la machine à Shadok. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont tenues à dire bah, « moi je bosse pour avoir un salaire ». Nécessairement, donc je ferai n'importe quoi pour ça. De fait, c'est au détriment et de l'environnement et de la planète et de ceci et de cela. Donc, puisqu'on reste dans les logiques comme ça, il y a aussi des solutions qui ne sont pas uniques, qui sont une série de solutions. C'est pour ça qu'effectivement, on est obligé de s'intéresser à tout pour ça. Voilà. Mais après, chacun prend une partie. Je veux dire, ce n'est pas impossible. Voilà, bon, c'est tout. Et sinon, je voulais dire qu'en prenant un sujet comme ça, le mérite des personnes de vouloir se rebattre les oreilles une fois de plus avec ce sujet, parce que tout à la fois, on nous engave de ça. Vous voyez, l'environnement, etc. Donc ça, c'est très scabreux de balancer ça. Juste pour faire une petite solution, ça aurait été tellement bien. Parce que moi, je crois au contraire aussi, entre autres solutions, à légiférer ce que les autres ne veulent pas, précisément. Et on sait ça depuis tellement longtemps, depuis une stèle dans le désert du Code d'Hammurabi en 1852 avant Jésus-Christ. Il est marqué en début parce que justement, il faut limiter la liberté du puissant par rapport à celui qui est débile, par rapport au fait, par rapport à celui qui n'a pas les moyens. Donc on sait que le droit, quand il est bien fait, il sert à ça. Il sert précisément à réduire le plus possible ces inégalités, ces injustices flagrantes. Et c'est pour ça que les autres n'en veulent pas. On veut absolument déréguler. Donc ça, c'est le grand danger, c'est de déréguler à tout prix. Bien, ok. Et sinon, ben, pour environnement, en reparlant de normes, oui, pour tous les gens qui font des efforts, pour tous les gens qui sont préoccupés, comme tout le monde, en fait, d'un minimum d'environnement, ils ne sont pas aidés. Ils ne sont pas aidés dans leur vouloir bien faire. Et juste une chose comme ça, indiquer sur un produit avec une base simple, ce qu'on n'a pas voulu, hein, ce qu'on ne l'a pas fait, mais en disant, bah oui, en tenant compte d'un tas de critères, le déplacement, la trace CO2, le ceci, le cela, de dire, bah voilà, ce produit-là, il est plus respectueux, celui-là ne l'est pas. Et les gens diraient, bah d'accord, je marche là-dedans. Tandis que là, les gens sont perdus par... Évidemment, les publicitaires, le marketing, tous ceux qui se sont emparés, le greenwashing dont tu parlais, ce qui fait qu'on repeinturlure comme une mode, comme une autre. Donc, évidemment, c'est d'autant plus scabreux de faire ton débat parce que les gens sont déjà fatigués et on a fait ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est aussi un processus engagé depuis longtemps. On use tout, on les solarise, on montre la chose, on en parle mal, on en parle beaucoup. Et puis après, on n'en parle plus parce que tout le monde en a marre. Donc voilà. Mais on a fait ça depuis longtemps. Tout est ça. Les punks, les hippies, les bazars, tout a été comme... Non mais tout a été dans l'accélération que vous avez aussi indiqué plusieurs fois. On a fait ça. C'est-à-dire la vitesse fait aussi qu'on veut passer à autre chose. Or, le problème reste. Merci pour ton intervention. Du coup, on clôture là, c'est ça ? Donc voilà. Ah bah non, tu... Oui, bien sûr. Pardon. Excuse-moi. Donc, je voulais répondre à ta question. Comment faire pour se nourrir plus sainement, enfin mieux? Alors, tu parlais des 10 steaks hachés pour 4 euros. Alors, il y a un petit détail là-dessus. C'est que, en fait, tes steaks hachés à 4 euros, ils ne coûtent pas 4 euros. Ils en coûtent 5 ou 6 ou 7. Et qu'on fait, ils sont vendus à ce prix-là parce que le supermarché qui les vend a bradé les prix auprès de l'agriculteur, que l'agriculteur lui-même, pour pouvoir avoir la quantité de viande nécessaire pour fournir suffisamment de viande pour faire les steaks hachés à 4 euros et passer à l'élevage intensif, et pour ça, il a été subventionné. À côté de ça, l'agriculteur qui persiste à élever ses vaches de manière biologique ou agrodynamique plutôt même, bah, ses vaches, en fait, elles coûtent moins cher au kilo de viande, il va coûter moins cher à produire, mais comme il n'a pas été subventionné, bah, sa viande, on va te la vendre plus cher, et d'autant plus cher qu'elle va être disponible en plus petite quantité. Si on passe plus généralement, plus massivement à une agriculture agrodynamique, à de l'agroforesterie, à de la permaculture, ces coûts de fabrication qui sont plus élevés, réduits, vont pouvoir se généraliser. Hein, si on arrête de subventionner l'agriculture industrielle et on la subventionne pour que les agriculteurs achètent des engrais, achètent des machines, si on arrête de subventionner cette agriculture industrielle au profit de cette agriculture, on va dire, plus raisonnable, on va baisser les prix. Et en fait, pourquoi on n'y a pas accès ? Parce qu'il y a une volonté qu'on n'y ait pas accès. Ok, merci. Merci pour ce dernier témoignage. Donc voilà. C'était l'atelier Debout Éducation Populaire. Quelle société veut-on ? Sur le thème de l'environnement. Et on sera là. Alors, je vais te laisser expliquer. Parce que moi, je vais pas pouvoir l'expliquer aussi bien que toi. Donc, ce que je vais faire, juste, je vais arrêter l'enregistrement.